Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Xavier Miklich vient m'aider à co-animer l'émission, donc il est en studio avec moi. Ouais! On fait le retour sur l'actualité, on parle de musique et aussi d'improvisation. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 30 mars 2017. Impossible, déjà la fin du mois de mars. Déjà la fin du mois de mars. Il me semble que c'est hier que je commençais ici la première journée, comme mi-novembre. Là. C'est vrai? Il me semble que c'est hier. Ça passe vite, hein? Incroyable. Parce que quand on fait quelque chose que l'on aime, Xavier, ça passe extrêmement vite. Incroyable. 28 jours avant la fin de l'année scolaire, pour tous ceux que ça intéresse, il reste... À l'université. Oui, exactement. On le rappelle à tous ceux de secondaire qui restent encore 3 mois, lâchez pas! C'est vrai, exactement. On est en direct des studios Tifou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Beaudin, vous l'aurez deviné, en remplacement de Mathieu Plante à l'animation et à la console, en temps normal, tenu par Mathieu. Mathieu qui n'a qu'un seul prof et qui peut pas la tenir. C'est ça, c'est pour ça qu'il n'est pas là, malheureusement. On tient à remercier Vanessa Parietter pour le thème de l'émission, les paroles du thème aussi de l'émission. Et si jamais ça vous intéresse, bien, vous pouvez aller faire un tour sur la page Internet de l'émission, c'est-à-dire assemblagerequis.com, pour tout savoir justement sur nos thèmes musicaux, sur notre horaire et aussi notre programmation de l'émission. Voilà. J'ai en studio avec moi Xavier, comme je le disais tout à l'heure. Xavier, un petit peu plus tard, tu vas nous parler d'improvisation. Je parle de deux petits sujets, pour le moment deux. Okay. On verra peut-être que l'avenir... Ah ouais, t'as-tu trouvé le sujet? Je cherche. Ok. Mais j'ai deux sujets dont le voyage, entre autres, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, moi qui adore voyager, et un événement qui va bien représenter la Mauricie au niveau provincial de l'improvisation. Je vous parle de ça plus tard dans l'émission. Sweet! Sinon, on va faire le retour sur l'actualité, ce qui a retenu mon attention un petit peu, ce qui a peut-être pas fait les grandes unes des journaux ou les grandes unes des nouvelles, mais quand même des choses intéressantes à savoir, des choses qui nous change de notre quotidien aussi. On va avoir un segment musique. Je vais vous faire découvrir deux artistes et aussi deux nouvelles chansons que j'ai fait découvrir dans mon émission spécialisée en course automobile hier. Donc, automatiquement, ça va être à thème musical country. Mais j'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez aimer ça. Ben, ça j'ai va, peut-être quelque chose aussi à vous présenter musicalement, on verra. OK. Où est-ce qu'on s'en va? Ouais, voilà. C'est bon. On va aussi jaser un petit peu santé, application, tout ça dans l'émission. On fait comme une espèce de gros mash-up, Xavier et moi, parce que le plan de l'émission a été fait sans savoir que Xavier allait venir, parce qu'on s'est croisés hier soir. On s'est croisés hier très tôt dans la soirée. C'est et ça. Elle m'a dit, je suis seule pour animer, veux-tu venir? Je vais OK. OK, je vais être là à 7h30. Non, je vais aller voir. Je suis allé chercher les informations que j'avais besoin et j'ai dit je vais être là à 7h30. Donc, je suis là comme premier à 7h30, toutes circonstances confondues. Si vous trouvez que j'ai une voix éraillée, ce n'est pas dû à la cigarette, mais dû au café que je bois en ce moment. C'est ça. C'est pas dû à l'alcool, c'est vraiment dû au café. Non, les deux, on est sur le café ce matin. J'ai décidé de vous offrir du Franklin Electric en début d'émission. On s'en va écouter I Know the Feeling. Et au retour, on jase l'actualité. It's amazing how my eyes have grown to see the colors right, and I never thought it before I saw you last night. I'm The Feeling de Franklin Electric. Très, très bon. Je connaissais oui, pas Pantou. Pour vrai, on les a reçus en entrevue dans les palmarès C'est fou. Ça doit faire approximativement 3 semaines. Ils ont été en spectacle aussi ici même à Trois-Rivières. Excellent Ben, on adore ça. Wow. Il y a plusieurs de leurs pièces qui se sont retrouvées dans le palmarès déjà. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez vous procurer l'album qui s'appelle Blue Ceilings. C'est excellent. Et l'album, là, je sais pas si c'est pour ceux qui l'ont pas vu, parce que moi je le vois, vous le voyez pas, vous êtes ouais, dans votre auto. Il ressemble un peu à un vieux, comme un entre le coucher de soleil. Oui. Puis le ciel bleu, là, tu sais, c'est ça, le orange, jaune, rouge, bleu, là. Oui, oui, oui. C'est ce moment-là où que tout se fusionne. C'est le genre de nuage qu'on voit plus. Ben, moi, j'en. T'as-tu remarqué? Ben, moi, j'en vois beaucoup, beaucoup. Ah ouais, comment ça? Parce que Charlevoix est le champion du nuage. Ah, du nuage. Ouais, on a... C'est pour ça. Ben oui, puis écoute, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mes photos où on a une tripe arc-en-ciel, puis genre ces nuages-là en même temps. Là. My God! Et parce qu'on a le fleuve, fait qu'aussitôt qu'il y a un petit peu de chaleur, ben la bruine fait qu'il y a un arc-en-ciel, puis là, il pleut un peu le soleil, fait que là, le soleil se couche sur le fleuve, fait que t'as comme ce moment-là où t'as les trois. Pouf! C'est pour ça! Voilà! C'est le temps de faire un retour sur l'actualité, du moins ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine. De Tanya Wood. La transition super subtile. Comme on va lever la musique. Ben oui. On fait une coupure et on va revenir avec l'actualité. Exactement. C'est juste pour faire ça, c'est juste pour faire une coupure, parce que Mathieu, c'est l'art même de pouvoir faire des thèmes musicaux pour chaque chronique, sauf celle-là. Cette chronique-là, ça doit faire 4 mois, la chronique, la chronique qui est actualité, la chronique que la radio devrait desservir n'a pas de thème. C'est ça. Parce que le but de la radio, c'est pas de râler de la merde. Ben, en temps normal, c'est que c'est dans le segment Tanya is gonna entertain ya. Mais là, tu vois, je trouve que c'est un petit peu malaisant de chanter mon propre thème. Ah, parce que finalement, c'est Mathieu qui chante. Mathieu, appelle-nous et chante-le. C'est ça. On est pognés, on peut plus rien faire. Une demi-heure qu'on tourne autour du pot parce que t'as pas chanté la chanson. C'est ça, exactement. Le premier article dont je veux vous parler, en fait, ça parle un petit peu de la politique à l'étranger. On parle d'Israël qui veut réduire sa contribution à l'ONU. Donc, on a annoncé un petit peu plus tôt cette semaine qu'elle allait avoir une coupe de 2 millions de dollars de la contribution à l'ONU en réponse justement aux nouvelles critiques du Conseil des droits de l'homme contre la politique israélienne à l'égard des Palestiniens. Et Israël n'a pas cessé de dénoncer en fait ce conseil-là depuis des années à la suite d'une série de votes, des rapports critiques sur la politique israélienne dans les territoires palestiniens. Donc il y a un rapport spécial de l'ONU qui avait accusé la semaine dernière devant le Conseil Israël d'assujettir, voilà, les Palestiniens et d'avoir intensifié la répression à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. Et Israël, c'est le seul pays au monde à l'ordre du jour de chaque session du Conseil, c'est-à-dire 3 fois par an. Et l'État hébreu et le principal allié des États-Unis ont dénoncé à de multiples reprises l'agenda qui était biaisé du Conseil pour justement boycotter les débats face à tout ça. Et il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui a dénoncé la discrimination obsessionnelle envers Israël de la part de l'ONU et de ses agences pour justifier justement la réduction de cette contribution-là, qui est quand même de 2 millions de dollars. Et l'État hébreu avait déjà annoncé une réduction de 6 millions de dollars sur un total de 11,7 millions sur la contribution à l'ONU à la suite justement du vote qui avait été fait en décembre par le Conseil de sécurité de la résolution de 2334 dénonçant de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Donc c'est quand même un gros montant pour la contribution à l'ONU qui va disparaître de ce côté-là. J'imagine qu'ils vont aussi disparaître du nombre de fois qu'ils vont apparaître au Conseil et dans les discussions à ce moment-là, mais c'est quand même un bon montant d'argent. J'ai hâte de voir les répercussions que ça va avoir, mais quand même. Du côté de la France, parce qu'on va rester un petit peu dans ce qui pourrait être l'international si on le calcule comme ça, eh bien, la France va miser sur le tourisme dans les prochains mois. Le nombre de touristes étrangers a chuté beaucoup en France en 2016 avec tout ce qui s'est passé du côté des attentats, tout ce qui s'est passé du côté de la violence et tout ça. Donc, on parle d'une chute de 7 %, mais l'Hexagone n'entend pas baisser les bras pour autant et on espère justement accueillir 100 millions de visiteurs d'ici 2020, ce qui est quand même un bon objectif. Là, on y va pas sur 2 ans, mais bien sur 3 ans à ce moment-là. Et c'est un objectif qui est quand même assez ambitieux parce que le record établi en 2015 est de 85 millions seulement. Donc, on essaie du côté de la France de renverser la vapeur un petit peu. L'État qui mise notamment sur la culture, donc qui met de l'avant la culture comme une destination en elle-même. On parle de l'étranger, la France, qui est souvent vue à travers justement le prisme de sa culture. Quand on parle de la France, on pense automatiquement aux musées. Ben, moi, je pense pas aux Champs-Élysées. Pas là. Clairement. Jodassin. Il vient en tête quand je parle de la France. C'est sûr, je pense que pour tout le monde aussi, on pense aussi à l'histoire avant tout quand on va passer du côté de la France. Donc, on va essayer de miser là-dessus pour amener le plus grand nombre de touristes dans les prochaines années. C'est comme si on disait qu'au Canada, on misait sur... Avec les bûcherons. Non, mais on misait sur les espaces verts, les parcs, mettons, pour le 150e du Canada, pour attirer du tourisme. Ah ben non, c'est ça qu'on fait cette année! Exactement! Voilà! Enfin, on fait la même chose que la France, on vise sur nos avantages pour attirer du monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les attentats, en fait, de Paris et de Nice qui ont fait fuir en grand nombre les touristes qui visaient justement la culture française. C'est ce que croit la ministre de la Culture, et la culture symbolise quelque chose de quand même très fort dans le projet de vie en société en France. C'est pour ça qu'elle a été attaquée d'ailleurs. Et c'est bien mal connaître les Français que de croire qu'il y a des actes meurtriers qui pousseraient à renoncer à mettre de l'avant leur identité culturelle, de mettre de l'avant aussi leur tourisme. Donc, depuis les attentats, c'est quand même assez important de renoncer en rien à la vie culturelle en France. Ils se sont donné ça comme mission. Mais ils doivent faire ça. Il faut Mais qu'ils oui, c'est ça. Puis ils n'ont pas le choix. Écoutez, je vais être franc avec vous, là, chers auditeurs. Oui. Si vous attendez à avoir un été où il y a peu de monde, là, détrompez-vous. Ouais. Ils prévoient the touristes des 30 dernières années. Là, vous allez dire, mais pourquoi, Xavier? Est-ce que vous avez vu le taux de change? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vu le 150e du Canada? Est-ce que vous avez vu le 375e de la Ville de Montréal? Est-ce que vous avez vu toute cette attirance-là? Dites-vous que la dernière fois que le taux de change était comme ça, c'est la plus grosse année. Les bars à Québec, à l'époque, j'ai vu ça dans un de mes cours, avaient doublé leur montant. Et dans les villages comme Baie-Saint-Paul, Saint-Denis-de-Caxton, ils quintuplaient leur population. Ben oui. Hey, c'est clair. Quintuplaient. Pensez-y, là, c'est 15 fois... Pour une personne, il y a 15 touristes. Toutes les maisons deviennent des bed and breakfast. Ouais, quasiment. Genre, le maire va cogner à chaque porte comme « Salut, Hélène, fais-moi donc un bed and breakfast, s'il te plaît. Il nous manque 4 changes pour une famille. » C'est... Soyez prêts à ça cet été, là. Ben oui. Puis si la dame nature, elle peut être du beau temps comme aujourd'hui, tabarouette. J'aurais aimé le village de Casse-le-Quartier avec son nouvelle affaire à Québec, la ronde avec ses nouveaux manèges là, qui virent à l'envers, ça va être plein. J'allais dire crowded, ça va être crowded. C'est clair aussi que ça va être la même chose du côté de la France parce qu'ils se sont justement donné cette mission-là. Donc, ça va partout dans le monde, c'est l'année du voyage. Oh, oui, clairement. Puis tu vas nous en parler d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc, tu vois, c'est parfait. Il y a une autre nouvelle qui a retenu mon attention. Celle-là, elle est sortie hier exactement. On parle en fait du Salon Video City. Je ne sais pas si toi, tu es au courant de qu'est-ce que c'est, mais ça va se tenir les 8 et 9 avril, justement, à la place de Versailles à Paris. Et c'est un salon qui s'appelle le Video City. En fait, c'est un congrès, j'ai le goût de dire quasiment, un get-together de YouTubers français. Donc, on attend plus de 250 YouTubers mondiaux. On parle pas simplement de ceux qui vont être français. Mais en 2016, le phénomène des YouTubers a justement explosé Ça a explosé partout, ça. C'est... Mais par main d'aboutissement, qui a une vidéo de lui sur YouTube, moi, je peux applaudir. Là, j'ai une vidéo de moi sur Internet. Mm-hmm. Je ne crois pas que... Je ne crois pas que le monde YouTube va faire de nous des meilleures personnes. Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas que le monde qui sont YouTubers sont les plus éduqués et sont les mieux placés pour nous instruire. Ben non, parce que la plupart du temps, tu sais, si tu regardes ça comme ça, ils vont gagner en popularité si ce sont des choses qui vont être drôles, distrayantes, s'ils voyagent justement, tu sais. Voilà. On veut voir le bonheur face à quelqu'un d'autre, j'imagine. Je n'aimerais pas qu'on ait sorti ces statistiques, là. Ils gagnent presque 4,5 millions par année, ces YouTubers-là. Certains, oui. À 17 ans. Mm-hmm. Il disait que c'était 6 fois plus que ses parents. Tu sais, c'est malaisant à un certain point. T'as 17 ans, tu gagnes 6 fois plus que tes parents, puis tu fais des vidéos sur Internet. Puis, tu sais, on s'entend, là, à ce moment-là, tu dis pas que tu vas aller à l'école. Là. Non, tu... Dans les top 5 de choses à faire quand tu gagnes 4,5 millions, c'est comme, je continue à faire ça toutes les années en gagnant approximativement plus, c'est parce que j'ai plus d'intérêt, ou aller retourner à l'école, finir mon... aller le jour du collégial, là-bas. Tu sais, à 17 ans, là, il doit même pas avoir fini son... là-bas, il y a rien. Son secondaire. Ben, bon, mettons qu'il vient de le finir, là. Ouais, c'est ça. Mais, c'est ça. Donc, oui, il y a un gros... Moi, je suis pour ça, les YouTubers, mais sur une certaine limite, quand tu sais faire la différence du vrai du faux. Exact. Et je crois que les plus jeunes enfants, en ce moment, en bas de 12 ans, ne voient pas ça. Puis ils veulent, moi, entendre des enfants dire « Je veux devenir YouTuber », c'est comme non. C'est pas un but dans la vie, si je crois. J'espère que tu veux être YouTuber pour les bonnes raisons, parce que tu veux faire des vidéos pertinentes. Tu veux écrire des histoires, tu veux compter de ça, je comprends. Mais va faire tes études, va t'instruire avant. Puis tu peux faire, tu sais, comme nous en ce moment, on fait de la radio, ok? On va être franc. C'est ça. Tu sais, dans la vie, tu espères pas devenir animateur de la radio. Tu peux croire devenir animateur. Mais tu sais, mettons, tu dis pas, je vais étudier un jour quand tu vas être jeune, tu vas avoir 8 ans. Tu fais pas comme, hey, je veux être animateur de la radio. Mais là, c'est ça. Les jeunes de 8 ans veulent devenir YouTuber. C'est comme, c'est cool d'être, tu sais, c'est vraiment le fun, mais c'est pas ton aspiration quand t'as 8 ans. Mais là, c'est le cas. Les jeunes de 8 ans veulent devenir YouTuber. Ben, la culture de la pensée, justement, sur tout ce qui est média, a beaucoup changé là, dans les dernières années. Fait que je pense que, tu sais, en soi, YouTube est comme devenu un certain média pour plusieurs. Comme on le dit, c'est pas parce qu'ils le font comme ça que c'est tout le temps très pertinent, ce qu'ils disent, là, non plus. Mais il faut quand même faire la distinction. Tu sais, il y en a qui vont, justement, jaser. Moi, j'aime beaucoup... plusieurs sujets diversifiés sur YouTube. Ouais. Entre autres, il y en a qui présentent des livres. Tu sais, automatiquement, tu vas comprendre que ces personnes-là, ils continuent à s'instruire, continuent à faire une espèce de recherche. Tu sais, c'est sûr que je suis moins touchée par les gens qui, par exemple, les YouTubers qui vont jouer à des jeux vidéo là, et qui, eux, vont gagner comme 2,5 millions avec tout ça. Voilà, c'est ça, mais il faut, faut aussi savoir que, dans le fond, ces YouTubers-là, ils font ça pour eux autres-mêmes aussi se distraire. Ben oui. Puis ils comprennent la réalité de ce qu'ils font. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus, j'allais dire cabotins. Oui, cabotins, mm-hmm. donc. Mais cette réalité-là change. Et maintenant, la radio est menacée par YouTube parce que mm-hmm. c'est rendu avec des autos intelligentes. Là, qu'on ben appelle. Oui, exact. Et là, t'as le choix d'écouter. Ça va distraire les conducteurs. Moi, je comprends pas. De mettre YouTube dans les chars. Pour être franc, là, cher conducteur automobile, là, imagine-toi, là, ton radio devient, entre autres, dans les, si je m'abuse, c'est dans les autos québécoises, les Tesla, oui. que c'est comme un géant iPad au milieu, puis tu peux mettre YouTube. J'ai vu aussi. Mais quelle est la pertinence de regarder son radio en conduisant? Il n'y en a pas, là, tu peux pas faire ça. Mais c'est accessible. Ouais. C'est l'offre, c'est comme ça qu'ils vendent leur auto. Je sais pas si vous avez vu les pubs, excusez-moi, de Chevrolet qui vendent le retour avec plus d'intelligence, plus d'Internet. Et le gars qui dit « Ah, j'aimerais ça la conduire, j'aurai Internet. » Non! Non, c'est ça. Non. Va pas sur Internet pendant que tu conduis. Je pense que ça va être pas mal plus pour les gens qui vont être à l'intérieur de la voiture autre que toi, tu sais. Hey, je vais pas écouter genre Spotify. Bravo, tu le bloques sur ton cell puis tu le caches. C'est ça, surtout. Mais non, que hey, je vais pouvoir naviguer en conduisant. Non! Fais pas donc, ça. Voilà, c'était ma petite crise de nerfs du jour. Mais non, les YouTubers 250, c'est du monde en... Oui, c'est ça, exact. Mais je vois, personnellement, je vois la pertinence de ça, mais je me sens pas attiré par ce genre d'événement-là. Ah ouais, t'irais pas à un événement comme ça? Mais c'est des stars éphémères. Oui, ça, c'est ça. C'est des personnes qui ont rien à m'apprendre. Mm-hmm. Donc, je vais, tu sais, j'adore le conte, j'adore l'histoire, j'adore. Oui. Mais comme les histoires qui sont de faits vécus. Moi, comme j'ai dit, je suis en Charlevoix, donc je vais m'informer avec un historien et je parle avec lui. Mm-hmm. Et on est une trentaine à jaser avec l'historien, mettons, ou avec des conteurs, mais des conteurs de vraies histoires, là, pas des conteurs d'histoires manipulées puis écrites, ouais, de conter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce moulin-là est là, ou puis où était la forge, puis ça. Puis eux, ils m'instruisent. Alors que ce YouTuber-là, OK, peut-être qu'il y en a une couple qui sont vraiment instruits. Ça, puis je leur lève mon chapeau, puis ils continuent de nous instruire, puis nous informer. Je pense à Sébastien Vicartin qui préfère être des méchants de bonne chaîne YouTube. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a du contenu, il sait ce qu'il dit, il est franc, il va au bout, ça marcherait. Sauf que il y a des gars, eux qui sont les plus populaires, c'est pas ça. Non, clairement. Moi, je vois pas en quoi aller les voir, puis avoir un autographe de cette histoire de ferme-là qui ne m'apprend rien. Mm-hmm. Qui me distrait, oui, fine, comme la télévision, comme Internet. Ouais, comme... c'est ça, c'est comme finalement aller rencontrer 12 acteurs dans un film. Dans un congrès d'acteurs, ouais, hein, c'est ça. Alors, mettons le film Junior, tu sais, vous avez connaissez Pee-wee 3D? Le film. Il sort sur Junior Majeur. Ouais, OK. Est-ce que tu dis, c'est même pas des vrais joueurs de hockey, là? Non, c'est sûr, ils sont tous doublés, là, du moment que t'es... Ouais. Est-ce que tu... mon Dieu. Est-ce que tu irais voir... ces acteurs-là, assis dans une salle pour te parler. Moi, je dirais pas. Pour te parler, là. Pas signer des autographes, ça, c'est cool. Ouais, ouais. Un petit peu on va dire du fame, là. Mais aller jaser avec eux. Ben, à moins que tu sois vraiment intéressé par le métier et que tu aies le goût de comprendre ce qu'ils font. Ouais. Non, je vois pas la pertinence. Donc, c'est plate pour vous, les chances d'acteurs. Mais moi, je le ferais probablement sur l'œil plus journalistique. Mais c'est ça. Donc, automatiquement, ça m'intéresserait à savoir quel a été, comment a été le tournage, le tout parcours, ça. Ben, voilà, exact. Pourquoi vous êtes là, tout ça. Puis, tu sais, en ce moment, ils cherchent des acteurs émergents pour ce film-là, Junior mm-hmm. Majeur. Puis, je me dis, ben, enfin, ils vont chercher autre chose que les vedettes qu'on voit en ce moment à la télévision, là, les classiques. C'est sûr, moi j'adore elle qui jouait à la gardienne de but, c'est une excellente actrice, elle mm-hmm. est incroyable, mais quand on sort de ce cadre-là, on dirait qu'il n'y a plus personne ouais, pour la télévision. Ça. Et dans ce mode d'idée-là, Séraphin est un acteur en ce moment à la télévision, les pays d'en haut. Oui. L'acteur principal n'était pas connu. Non, c'est vrai. Et il avait fait quelques... quelques figurations, quelques apparitions sans plus. Et là, d'obtenir, il a gagné un prix en plus cette année pour son rôle. Écoute, ça, c'est le fun. Lui, j'irais le voir parce que je dirais comme, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ouais, c'est ça. Parce que j'irais... Mais j'irais pas 250 personnes, mais assez, puis j'en dis avec eux autres. Je pense pas... Oui, je sortirais distrait, mais pas plus instruit. Ouais, c'est ça. Puis, pour me distraire, j'ai beaucoup d'autres plateformes qu'un congrès de 250 personnes. Ben, le congrès a quand même... en 2015, avait attiré plus de 25 000 personnes. Donc, imagine... Puis, il y avait simplement 15... si je me souviens bien, 100 acteurs, mais 100 YouTubers. Là, on monte à 250. Alors imagine le nombre de personnes qui va être là en sachant déjà qu'en 2017, c'est pas mal rendu plus gros qu'en 2015 quand on a parti l'événement. Mais c'est ça va faire jaser. Mais pourquoi? Ah! Il faut demander à la génération un petit peu plus jeune. Toi qui as 12 ans, tu devrais savoir. Mais moi, je suis à l'université à 12 ans. Tu sais, c'est ça. C'est parce que t'es un surdoué, Xavier. C'est un surdoué. C'est juste ça la différence. C'est... Je comprends. Moi, là, je pense que ça me forge un petit peu là, de voir que notre génération plus jeune, tu sais, j'avais un petit gars de 4 ans la semaine passée, il avait une tablette dans les mains, puis t'es capable de partir, puis c'est vraiment pas compliqué. YouTube, là, c'est très très instructif. Ouais, c'est que t'as pris 3-4 vidéos, ta banque de vidéos proposées est assez rapide. Lui, il était assis avec sa tablette, il y a 4 ans, le petit garçon, là. Il est. Me demande s'il est propre, là. Mm-hmm. Il est assis, puis il se promenait de vidéo en vidéo sans problème. C'est fou, hein? Ils ont une rapidité de connaissance pis, de ces gadgets-là. Non, mais c'est pas ça qui. Tu sais, genre, il voyait dans les listes à côté, sans écrire, il écrivait pas, là, il tapait pas, là. Mais il savait quelle vidéo il voulait écouter. Mm-hmm. Fait qu'il connaissait la suite. Genre dans lui, fait que là je vais dans lui, puis là, il se ramassait sur la patte patrouille. Là. Ma nièce a pas 2 ans, elle fait ça. OK? C'est assez impressionnant. Écoutez-moi, enlevez-leur ça. Mettez-leur une soute, puis tirez-la dehors, c'est crunch-crunch. Ah, oui, hein? C'est crunch-crunch aujourd'hui, là. Tu peux marcher sur la neige, c'est drôle. Tu peux te rouler dedans, tu peux faire tout ce que tu veux, là. Ouais, mais... Les jeunes d'aujourd'hui, ils font plus ça. C'est triste. Allez casser des arbres dans le bois, puis oui. Faites-vous une cabane. Allez vous faire un feu. J'en sens ta boucane quand vous rentrez à l'école. Non, mais... Ah, ouais, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi. Si on y va d'un autre type d'idée, en fait, ouais, exactement. Eh bien, hier, on a parlé quand même de voitures dans l'émission En piste avec Tania Baudin. On a parlé de course automobile, évidemment. Est-ce que tu t'es auto-cité? Ben, c'est le titre de mon émission, okay, En piste okay, avec Tania Baudin, ouais. c'est pas moi qui ai choisi. En piste avec Tania Baudin. Non, c'est le titre complet de okay, l'émission. Bon. Xavier, écoute la radio, là. Tu saurais si tu l'as. Oui, mais c'est comme la manière que tu l'as dit, je suis sûr que tu aurais dit avec mon émission En piste. C'est comme avec mon émission, j'ai comme, OK, ça va, mais là, tu as dit dans l'émission En piste. Avec Tania Bourdin. C'est comme si tu t'as... En tout cas, désolé. Non, je m'auto-citais pas. Mais on parle souvent quand même de voitures électriques, de voitures autonomes et tout ça. Et on entend souvent parler d'Elon Musk. Mais aujourd'hui, un petit peu plus tôt cette semaine, on a entendu parler d'Elon Musk pour toute autre chose que la technologie des voitures. En fait, après les voitures, les fusées, parce qu'on se rappelle, Elon Musk a aussi SpaceX. Ça fonctionne pas tout le temps super bien, là, ces lancers de fusées, mais il les a quand même et il travaille très fort pour faire fonctionner tout ça. Eh bien là, on se lance à la conquête du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On parle surtout d'intelligence artificielle. Donc, le bouillonnant chef d'entreprise américain Elon Musk, qui est déjà créateur de la voiture électrique Tesla, pour ceux qui ne savaient pas, et comme je le disais, qui est patron de SpaceX, bien, on multiplie les projets dans l'espace et mardi, on a annoncé qu'il lançait dans la communication avec le cerveau par ordinateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On parle de réseau neuronal. Donc, c'est une nouvelle société qui va se concentrer sur une technologie de réseau neuronal qui consiste en fait à implanter de minuscules électrodes dans le cerveau qui vont être capables de transmettre ou d'importer des pensées selon Elon Musk et sa compagnie. Donc, il dit avoir un rôle important à la direction de cette nouvelle société-là qui a déjà évoqué cette idée aussi sur les réseaux neuronal sur le monde des médias sociaux et la réponse a été quand même très bien reçue. Donc, il est considéré comme un patron visionnaire de la Silicon Valley. Il estime que relier directement les nerfs aux capacités d'un ordinateur, ça peut amplifier le pouvoir du cerveau. Et communiquer avec le cerveau, c'est comme un vieux rêve que plusieurs ont vu dans certains films de science-fiction dans les vieilles années et tout ça. Et Elon Musk, c'est comme un peu le scientifique fou qui va arriver à faire tout ça. J'ai comme l'impression. Donc, ce sont des scientifiques d'un centre de recherche en Suisse qui ont récemment réussi à échanger pour la première fois avec des patients qui sont totalement paralysés. Donc, on veut arriver à pouvoir faire cette connexion-là avec les réseaux neuronaux pour arriver à faire des nouvelles avancées au niveau des patients qui sont paralysés, des nouvelles avancées aussi au niveau de la santé. Donc, la technique qu'ils vont utiliser est différente de celle qui est envisagée par Elon Musk, par exemple. On touche pas au cerveau du côté de la Suisse. On associe la spectroscopie dans les longueurs d'ondes proches et dans l'infrarouge. Et on y va surtout en électroencéphalogramme pour mesurer l'oxygénation et l'activité électrique. Donc, on a deux systèmes qui sont quand même très différents l'un de l'autre par rapport aux Suisses et Elon Musk, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour l'homme de la Tesla qui est rendu riche par la création, par la réinvention, par... la technologie et tout ce qui s'ensuit. Donc, de ce côté-là, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais les Tesla, hein, on va se le dire. Moi, j'ai entendu la plus belle histoire. Une très belle histoire de Tesla. Mm-hmm. Y a un garçon de Québec, de la ville de Québec, mais de quel secteur, je sais pas, qui, à l'âge de 17 ans, a acheté une action. OK. Tout simple. Une action chez Tesla. Oui. Donc, qui était très basse à l'époque là, pour 4 ou 5$. Et aujourd'hui, l'homme... C'est clair qu'il l'a encore, cette action-là. Oui, et il possède deux Tesla. Puis son action, tout ça, c'est des actions qu'il a réachetées, réinvesties. Au total, vaut pour 3 ou 400 000 $. C'est clair. C'est juste ce petit geste d'investir 2$, puis de faire son argent, racheter une action. Et... Ce jeune homme-là possède deux Tesla. Mm-hmm. Et il en a donné une à ses parents. Ben oui. Tu fais quoi avec deux Tesla? Non, mais... genre, avec l'investissement d'une action de 2$, il a acheté deux Tesla. Exact. Puis ça continue à fructifier parce qu'ils sont en constante croissance. Mais le problème est le suivant. En ce moment, Tessa n'a aucune compétition. Pour le moment. Ouais, très dans faible. Dans ce style-là, d'autoconduite, d'auto avec YouTube. Oui, c'est ça. C'est de très faible compétition au niveau nord-américain parce que les autos ne sont pas adaptées au style nord-américain. Et Tessa est une des seules autos électriques VUS, qui ont des VUS électriques, qui peuvent rouler en hiver au Québec. Oui, tout à fait. Et là, tu te dis, ben là, range-le, il vaut 200 000 ton pick-up. Tu sais, c'est con. Ouais. Mais non, eux, ils continuent à faire ça. Et la journée où il y aura de la compétition, peut-être que cette action-là va diminuer et tu dois vendre. Elle va probablement diminuer ou il va y avoir des changements qui vont se faire au niveau de la technologie électronique. Là, il parle des électro-aimants. Oui. Ça va être quelque chose d'incroyable. Si vous savez pas de quoi je parle, dans le fond, c'est qu'ils vont insérer dans toutes les autos automatiques des autos électro-aimants qui vont créer une distance automatiquement. Mm-hmm. Et aussitôt qu'il y aura une tempête de neige, l'appui de ça, tu devrais quand même prendre le volant. Ça va être quand même devoir posséder un permis de conduire parce qu'ils peuvent pas enlever cette norme-là. Mais non. Sauf que, avec les électro-aimants, ils connaissent les distances et les forces. Donc, quand ce sera pas toi en pilote, tu devrais être à jeun parce que tu devrais conduire, les autos vont pouvoir atteindre 300 km/h. Quand même. Parce qu'ils connaissent les limites. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ceux qui vont sentir que les pneus sont un petit peu mous dans le vide, c'est fini. Aquaplanage, ça, c'est tu mets tes mains sur le volant. Mais là, moi, je me dis, tu sais, je dis 300 km/h, c'est quelque chose comme ça. Ça va faire Québec, c'est Québec-Montréal en dedans de 2 heures. OK. L'information que j'avais obtenue. Donc, c'est ça. Donc là, il va y avoir d'autres styles de police. T'sais, ben c'est sûr. Moi, ma crainte, c'était qu'est-ce que ça va faire pour l'économie du Québec, niveau policier, niveau sac, tu vends quoi comme maudit permis de conduire? Comme assurance. Comme assurance. Tu vends quoi comme assurance? C'est un gros changement. T'assures qui, comment, puis pourquoi? Mm-hmm. Puis comment à quel prix? Oui, puis comment que le policier va distinguer la voiture à 125-140, que c'est pas lui qui conduit, puis la voiture à 140-150. Donc là, il y a des voies réservées. Là, c'est une adaptation constante. Oh, va falloir regarder ça. Mais moi, je dis qu'en d'ici 20-25 ans, on va tout être pilote automatique avec... Tu penses? Je suis pas certaine, moi, parce que... 20-25. Toi, t'aimerais ça, ne pas conduire ta propre voiture? Non, moi, je suis un gars de... C'est ça, la fin. Je suis un gars de conduite, je suis un gars de contrôle. J'ai, pour des raisons personnelles, je ne peux plus chauffer manuel, puis... Ah, oh, que je suis déçu. Ah, c'est sûr. C'est décevant, là, de chauffer automatique, là, c'est un peu comme... Tu sais, t'as plus le feeling, la route. Non, c'est puis sûr. On dirait que j'ai pas de contrôle. Exact. J'ai peur de fait d'échapper. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Au retour, Xavier, tu nous parles de voyage ou d'improvisation? On sera au retour! Tout ça après la pause. Restez là. Assemblage Ricky sur les ondes de Cifou 89 FM. Vous êtes assez fou. 89. Vous êtes toujours sur les ondes de Cifou 89 FM dans l'émission matinale Assemblage Requis. Xavier Méclich est en studio avec moi, je le répète. Oui. Il est venu me sauver comme ça sur décision aux alentours juges. De quoi, 11h30 à peu près hier soir? Oui, 23h30. Exactement. Non, plus tard que ça un peu. Ouais, je pense qu'il était peut-être minuit. Ouais, minuit et demi. Alors, écoute... Je viens vous parler aujourd'hui. Oui! Parce que là, c'est ton sujets. Tour. Là, c'est mon tour. C'était super intéressant. On est très diversifiés là, aujourd'hui dans nos sujets. On fait de A, puis on se rend à Z. C'est ça. Et là, je vous parle. Moi, je suis un gars d'impro, vous le savez. Hein, quand vous m'entendez, vous êtes au courant. Et là, je parle de quelque chose qui est un peu plus petit, mais plus gros. OK. Donc, en fin de semaine, c'est les provinciales d'improvisation au niveau du secondaire. OK. Donc, moi, je suis arbitre à ce tournoi-là, au tournoi provincial de Saint-Pascal-de-Kamouraska. Saint-Pascal-de-Kamouraska. C'est loin, ça? Oui, c'est loin. Mais cette année, la Mauricie est représentée d'une façon incroyable. OK. Et je n'aurais pas parlé de ça si ça ne serait pas de la Mauricie, parce que c'est pas il n'est pas ici, le provincial d'improvisation. Il est dans, dans le Mont-Saint-Laurent. C'est ça. Mais là, cette année, au niveau de Saint-Pascal-de-Kamouraska, il y a deux arbitres, moi et Katiev, qui sont étudiants ici même à l'EQTR. Mm-hmm. Donc, on est deux arbitres. Katiev Côté qui est arbitre à la huître. On s'en va. Moi, ça va être ma deuxième année comme arbitre à ce tournoi-là. Katiev a l'arbitré quand je jouais au tournoi. Parce que j'ai 12 ans, on se rappelle. Oui, clairement. Quand je jouais au tournoi. Et cette année, trois équipes mauriciennes. Trois? Oui. Trois équipes de la Mauricie sont inscrites à ce tournoi-là. Puis pour vrai, c'est des équipes que je pense qui ont les chances d'aspirer aux grands honneurs. J'ai déjà vu ces équipes-là jouer par le passé. Okay. Cette année, j'ai pas eu la chance d'arbitrer parce que j'habite habituellement à Québec au niveau du secondaire. C'est vrai. Puis je coachais aussi secondaire avant. Puis c'est ça. Donc cette année, trois équipes mauriciennes. Est-ce que ce sont des équipes cégep secondaire? Non, toutes secondaires. Okay. Donc dans le fond, il y a deux catégories. Dans le fond, si vous voulez diviser ça, il y a junior et senior. Ça s'appelle cadet et juvénile, un peu comme au football. Au football là. Donc le cadet, c'est 1, 2, 3. Et juvénile, c'est 3, 4, 5. Donc, okay, ça te prend... c'est comme en milieu là, au troisième. Non, c'est parce que dans le fond, ça va dépendre du nombre de joueurs. Okay. Je donne un exemple, quand moi j'étais en secondaire 3, ben en secondaire 4, mm-hmm. mais j'étais jeune. Tu sais, pour okay. vrai, je suis un jeune dans mon année. Fait que ce qui s'est passé. Ben oui, parce que maintenant t'as 12 ans et t'es à l'université, tu imagines. Voilà. Donc, vu qu'on possédait pas assez de joueurs pour faire une équipe 4-5, je suis resté cadet. Ok. Ça dépend du nombre de joueurs. Donc, tu maximises ton. Mettons, si, ça prend. Si t'as 6 joueurs de secondaire 4-5, puis mettons 2 joueurs de secondaire 3, ouais. ben il faut tes splits. Ok, je comprends. Puis là, c'est du pile ou face. Ah, oh, mon Dieu. Ou ça dépend du talent du talent. Du style des coachs, ça ouais, dépend. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la décision des coachs. Coachs, mais tu sais, comme l'impro se joue souvent sur un papier, là. Parce que souvent, oui. Parce que dans le sens, là, vous allez dire pourquoi sur un papier, parce que ça joue sur une scène, oui. Mais c'est le style que le coach veut donner à son équipe. Puis tu peux être autant bon, sinon meilleur que des joueurs. Cette année à la lutte, c'est le cas. Il y a des joueurs qui sont meilleurs, selon moi. Parce que, mettons, moi, j'aurais été capitaine, j'aurais plus pris ces joueurs-là que d'autres. Mais c'est juste une vision différente de l'impro. Comment tu veux construire ton équipe, ce que tu as ouais. besoin. Parce que si tu as juste 5 personnes qui sont comme Gab Béhoud, ben, qui font juste des blagues, ben, tu n'auras pas d'histoire. Tu vas juste avoir des blagues en continu. Mm-hmm. C'est pas un stand-up comique, tu gagneras pas d'impro. Parce que l'impro secondaire, c'est une impro, c'est très, ouais, c'est hein. une impro qui est éducative. Et là, c'est là que je m'en vais avec Pascal Kamouraska et les trois équipes que je vais présenter dans un instant. Je garde hey, j'ai hâte de savoir. J'ai comme hâte de savoir si mon école secondaire est là. Donc, c'est ça. Donc là, l'éducative, elle est basée sur 5 critères. Okay. Les personnages, la construction, l'histoire, désolé, le punch, oui. le punch et la dynamique. Donc, okay. est-ce que l'impro a gardé un rythme? Est-ce que la structure d'impro est belle? Est-ce que le concept que vous avez utilisé est ça? Donc, c'est même plus jugé selon ton opinion. Non, c'est ça. Dans le fond, le vote est divisé en 3. Il y a les deux juges de salle. Dans le fond, moi, je suis arbitre. Okay. Donc, je donne les thèmes, les pros, les pénalités. Il y a deux juges de salle qui sont des joueurs collégiales, normalement, mm-hmm. ou des environs, de d'autres ligues, des ligues externes, des ligues seniors. Même moi, je pourrais être juge de salle pour les matchs que j'arbitre pas. Et les autres, ils votent selon les 5 critères. Et le troisième tiers du public, exemple que les deux équipes, parce que tu coches sur lui qui avait le meilleur concept, lui qui avait ouais. le meilleur personnage. Donc, si d'un côté, tu as trouvé qu'il est. Parce qu'il y a quand même un jugement, moi j'aime mieux ce personnage-là, toi t'as mieux. Les deux juges sont divisés. Mm-hmm. Là, c'est l'opinion du public sur la vision qu'il y a eu de l'impro. Eux, oh, ils n'ont pas les okay. critères, le public. Je comprends. Parce que clairement, tu donnes pas une feuille à chaque personne pour non, t'évaluer. C'est ça, là. Donc, ils viennent voir l'impro, puis si l'impro qu'ils ont préféré. Mais dis-moi, c'est un peu plus visé sur l'art dramatique que tu peux voir au secondaire, mettons? Non, c'est vraiment l'impression qu'on peut voir à l'université. Okay. Sauf que faut que tu enlèves l'effet public. L'effet niaiseux non, que non, tu non. retrouves. Non, j'ai un exemple. À la limite, on fait des impro, exemple, comparer sans la voir. Ouais, OK. Donc, tu continues une comparée que tu n'as pas vue ni entendue. Mais au secondaire, c'est pas pertinent parce que tu n'as pas ce public. OK, je comprends. Puis le public, il va voter. Il faut que les équipes puissent comparer ce qu'ils font. Mm-hmm. Parce que le public, il est pas là pour regarder comme les. Un show d'humour. Il est là parce qu'il vient voir son père, son frère, son père, oui. Son père, ouais. Son frère, c'est toujours la blague que je fais avant les matchs. Son père, son frère, son ami jouer. Fait que quand l'autre équipe est là, ils sont moins intéressés. Fait que faut que tu gardes cet intérêt-là. Donc, ça va être vraiment de l'impro, mais sans les impros pour le public. OK. Sans les impros qui sont conçus, les catégories d'impros qui sont conçues juste pour faire rire le public, genre les one-man shows, ouais. les continuités, les bander les yeux, les impros un peu plus funky, hors du commun. Là, ce que tu veux, c'est distraire les joueurs pour faire rire l'autre équipe. Fait que c'est ça ton public, c'est là que ça se joue. Fait que pour ça, c'est différent. Okay. Au niveau de l'impro secondaire aussi, il y a deux divisions, la division compétitive et la division récréative. Oui, c'est vrai. Dans chacune des catégories. Donc, pour les écoles, je vais dire plus éloignées ou dans des milieux plus difficile. Il n'y a pas vraiment d'improvisation. Ils veulent débuter l'improvisation, ils veulent faire connaître ça dans leur école. Ils peuvent aller à Saint-Pascal ou Kamouraska dans le récréatif. C'est pas uniquement pour les équipes qui performent. OK, je comprends. C'est bon. Donc, il y a pas. J'ai un exemple. Il y a une équipe que je nommerai pas de Québec, ça fait 13 ans qui gagne. Qui est dans le récréatif? Non, qui gagne le championnat. Et mon Dieu. Au niveau du compétitif. OK? Puis, c'est parce que ils ont le monde de Québec, savent qu'ils gagnent. Donc, ils s'inscrivent à cette école-là pour aller avoir une meilleure formation. Ouais, c'est ça. Et il y a toujours comme deux, trois équipes là, que je nommerais pas, qui se battent pour ça. Alors que dans d'autres régions, on va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va ici en Mauricie, c'est jamais la même équipe qui l'emporte. OK. C'est, tu sais, chaque année, je regarde les noms des provinciaux, je dis, mon Dieu, cette équipe-là, puis là, j'arrive, puis là, ils disent, ouais, nous, on a gagné dans telle région, on a eu des beaux tournois, tout ça. Puis là, je suis vraiment surpris, puis l'année d'après, ils sont pas là pantoute. OK. Comme il y a un départ de deux joueurs, pouf, c'est notre équipe qui a ramassé le flambeau, puis ils continuent, puis. Fait qu'il y a ce changement d'école-là parce que c'est toutes des écoles publiques. OK. Où ça joue, c'est quand il y a des écoles privées de la région de Montréal, de Québec, de Thetford Mines, de toutes, là, les écoles privées embarquent. Donc, à Trois-Rivières. Donc, il n'y a pas mon école de secondaire, ben, j'imagine. Parce que, au fond, c'est ça. Premier facteur, c'est ça. Écoles privées qui sont conçues puis reconnues par l'improvisation. Le premier, donc, quand ça embarque, ça, c'est difficile d'aller jouer contre ces écoles-là. Oui, c'est ça, c'est sûr. Parce que le monde, ils vont là pour ça. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis allé dans une école pour l'art. Ouais. Je suis allé, j'ai choisi en art. Donc, quand j'ai choisi mon école, oui, j'étais un gars de sport, mais j'ai pas la physionomie. Ben, voyons, de quoi parles-tu? Ben, tu peux jouer au criquet? Oui, je peux jouer au criquet ou faire la ballerine. Ou au tennis. T'as la shape d'un gars de tennis, mettons. Ben, au niveau la forme de mon corps, si vous l'imaginez, je suis exactement la bonne forme d'un nageur, mais je mesure 4 pieds 2. C'est ça. J'ai la shape là, avec les hanches toutes du nageur, le V tout, là, mais je mesure 4 pieds 2. Fait que juste le 4 pieds 2 arrête tous les sports. C'est ça, exactement. Juste là. Donc, je suis allé en école pour les arts. Et là, l'autre point qui vient juger au niveau du secondaire, qui est difficile à défaire, mm-hmm. parce que universitaire, c'est valide, mais moins. OK. Collégial, c'est vraiment valide, okay. ce point-là. Puis au secondaire, c'est le point le plus critique, c'est ta densité de population. Ah! Parce que trouver un talent sur 7000 étudiants... C'est quelque chose. Non, mais quand tu fais tes auditions, là... Ouais, c'est ça. T'as 7000 personnes qui se présentent. T'as probablement plus de chances d'avoir un bon joueur sur 7000 que sur 13 dans les écoles privées qui tirent. Tu sais, hey, on a besoin de 6 joueurs, on a 13 qui sont présentés aux auditions. OK, ça se peut qu'il y en ait 5, que ça... OK, j'hésite entre tel puis tel parce qu'ils sont au niveau égal puis qu'ils commencent en bas. Ah, c'est ça. Donc là, il y a plusieurs équipes qui vivent ça. Il y a plusieurs écoles secondaires qui essaient de sortir de ce régime-là. En Mauricie, au Québec, pour aller chercher des joueurs d'improvisation puis les faire développer. OK. Parce que tu veux pas, t'as pas nécessairement les gros joueurs à chaque année non, qui veulent. Non, c'est ça. Alors que des écoles comme Roger Comtois à Québec, Rochebelle, qui ont des 8 ou 7, 8 000 étudiants. Oui, quand même. Donc, il me semble que c'est ça, 7, 8 000. Là, okay. Je fais pas approximatif. Là. C'est des grosses écoles. Puis, c'est eux qui. Tu sais, c'est eux qui vont avoir des meilleures équipes et des joueurs plus prometteurs parce qu'ils n'ont plus. C'est ça, ils ont le choix de qui mettre dans leur équipe. Mais en même temps, tu sais, j'ai un exemple, Roger Comtois, avec une école publique très, très axée sur le sport aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement la grosse école culturelle. Maintenant, oui? Qui sont les équipes mauriciennes? Oh mon Dieu. Est-ce que tu as un bet? Mettons que tu t'auras betté, là. OK, je vais better selon ce que c'était dans mon temps. OK. Pis... Non, mais avec les critères que je t'ai dit, mettons. OK, avec les critères que tu m'as dit. Ça vise la Mauricie. OK. Je vais y aller pour Chavigny. Même pas! Désolé. Hein? Hein, oui, Chavigny n'est pas. As-tu vu à quel point le thème musical arrêtait en même temps que la déception? Déception! je vais donner d'autres indices. Il y en a une de Trois-Rivières, une de Shawinigan. Oh, OK. Puis une d'un village connexe. OK. Donc, Trois-Rivières, je vais y aller dans ce cas pour l'Académie Les Estacades. Bien joué. Les Bacon, coachés par Francis Dugré-Lampron. Ah, ouais, je savais pas qui coachait aux Estacades. Les Bacon. Ouais. Qui vont être à Saint-Pascal de Kamouraska au niveau compétitif juvénile cette année. Malade. Mais les Estacades, on a toujours été bons en improvisation. Toi, tu les Estacades? Ouais, c'est pour ça. Ah. À cause qu'on avait quand même un très bon programme d'art. Et il y avait beaucoup d'élèves en art qui faisaient de l'impro. Ce que j'ai dit, c'est très valide dans le fond. Oui, vraiment. C'est son deuxième choix. Chavigny doit être une grosse école. Chavigny, en fait, c'est drôle parce que je pensais qu'elle allait être là parce que c'est une école spécialisée en art. Contrairement à l'Académie Les Estacades qui est beaucoup plus spécialisée en sport. Si tu voulais étudier en art... Mais c'est quoi art, le nom de Chavigny, mettons, qui aurait une équipe d'impro? T'as-tu une idée? J'en ai aucune idée. Parce que moi, je vois les écoles en ce moment. OK. Il y a des écoles qui ont juste un prénom. Fait que peut-être qu'il s'appelle genre le Clit. Ah! K-L-I-T. Peut-être. Ah, ça, peut-être pas, ça, ça sonnerait Kerana, mettons, à cause du cas, je sais pas. Mais, vois-tu, c'est ça. Fait que peut-être qu'ils sont là, mais moi, je vois trois équipes mauriciennes. OK. Et je connais les deux autres de mémoire, mais peut-être qu'il y en a quatre, puis c'est un bug du système. Ah, OK. Parce qu'ils ont juste leur nom d'équipe en ce moment, d'inscrit. Mais c'est, ça se peut aussi qu'ils soient pas, qu'ils se soient pas qualifiés. Mais l'école secondaire du Rocher, ça, c'est dans votre dossier? Ben, ça, c'est. Du Rocher, c'est près de Shawinigan, si je me souviens bien. C'est l'année passée. Donc, c'est celle-là de Shawinigan. Non. L'année passée, il était du tournoi. OK. Cette année, je ne les ai pas vus inscrits. Ouh. Et ouais, un petit drop. Et on y va, là, une autre école. Là, OK. Tu connais un peu Shawinigan? Ben, je connais un peu Shawinigan, mais pas tant. Fait que si tu me permets, je vais comme googler école Shawinigan. Ben non, on va te donner. Mais non, attends, là, il faut absolument que j'essaie de deviner au moins Shawinigan. Je veux dire, ben, l'école des chutes. Ben non. Même pas? Non. C'est... Le séminaire Sainte-Marie. Eh oui! Boom! Séminaire Sainte-Marie et les imagines école privée. Licornes. Et ben, tu vois? Et voilà. On parlait de ça tout à l'heure. Ben oui, c'est les critères sont souvent... Et là, il te reste, tu sais, comme, mettons, une école. OK, à l'extérieur de Shawinigan et genre, de c'est Trois-Rivières. Comme, mettons qu'on se mette sur une map géographique, là. Ouais. C'est clairement entre Saint-Élie-de-Caxton... Trois-Rivières et Shawinigan, c'est comme le centre même. Eh hey, mon Dieu! Déjà en partant, je suis pas super bonne côté géographie. Je t'aide vraiment dans le fond. C'est ça. C'est comme dans un champ finalement. Non, je pense que je dirais pas champ. Attends, je vais regarder c'est quoi le village. Nicolet? Non, c'est en Mauricie. Là. Ben Nicolet, c'est en Mauricie. Là. C'est à proximité de Shawinigan. OK. Grand-mère. Grand-mère était là l'année passée, mais ils sont pas là cette année. Ça devait être une école publique? Je sais pas si c'est public ou privé, celle-là. En fait, c'est la première, ça va être la deuxième année qu'ils sont là. OK. C'est-tu Shawinigan, ça? Non, elle est à Shawinigan Sud. Donc, elle est dans Shawinigan officiellement. OK, Shawinigan Sud. Oh, mon Dieu. Tantôt, on a dit des chutes, c'est pas les chutes. On a dit séminaire Sainte-Marie. Là, ma connaissance d'école à Shawinigan s'arrête là pas mal. C'est l'école Val-Mauricie. Val-Mauricie! Ben oui, les Jokers. Ils étaient bons au basket, eux autres, quand je jouais contre eux au secondaire. Mais donc, Val-Mauricie, les Jokers. Valmo. Ben, qu'un. Valmo. Tu sais, ils ont le nom Mauricie dedans, là. J'aurais dû réaliser. Ben oui. Ça aurait dû être la prochaine étude, j'aurais dû donner pour y aller. Donc, c'est ça, c'est quand même cool. Ben oui. Et je pense sur un petit trip, parce que moi dans la vie, j'aime... parce que moi dans la vie, ça me fait rire que quelqu'un, tu sais, ait déjà pensé à les noms d'équipe. Ouais. Et j'ai mon top 3. Des noms? Des noms d'équipe. Depuis que t'arbitres. Ouais. Hey boy. Des équipes que... Mais c'est... Puis le pire, c'est que c'est pas des mauvaises équipes. OK. C'est juste les noms font dur. Oui. Oui. Il y a le Patro de Jonquière, OK? Le quoi? Le Patro. Le Patro de Jonquière. Ouais, Jonquière. Jonquière. Il s'appelle les Timbrés. Ben là, voyons. Comme un timbre, ouais. Puis juste un E. Puis les autres équipes, c'est comme les 100, comme 100, S, voyons. S-A-N-S? Non, C-E-N-T. Les 100 génies, comme pas de génie. OK. Les pas de génie, mais avec un chiffre. Un chiffre au donc, lieu de... Donc, contradictoire. Ouais, contradictoire. Il y a, eux autres, ils ont les polices, mais les polices. Oh my God. Ils ont décidé de s'en faire une batch. Là. Ouais, c'est ça, hein, les jeux de mots. Les jeux de mots. Après ça, le Collège du Rocher à Montréal, leur équipe s'appelle les Goyaves. Oh mon Dieu, genre le fruit? Ouais. Ça sert-tu à rien? Leur logo, c'est comme un monsieur patate. Ben voyons! Fait que je trouve ça excellent. Mais c'est un monsieur patate de Goyave. C'est une Goyave en monsieur patate. OK. Fait que c'est monsieur Goyave. Mais pour vrai, c'est drôle. Là, tu t'appelles les Goyaves. À quel point t'es crédible. J'espère que leur équipe de sport s'appelle pas ouais, les Goyaves. C'est ça, t'imagines? Là, ce soir, le cyclone affronte les Goyaves. Ils sont tous habillés de rose. Et ma préférée, dans le Marcelin Cabania, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Leur équipe s'appelle les Langoustines. Les Langoustines. Et comment s'appelle leur équipe de secondaire 4-5, tu penses? Les crevettes. Non, les langoustes. Les langoustes. Aïe, aïe. Je vais être franc avec vous, là, Mauricie, Centre du Québec. C'est mauvais? Il y a un problème là au niveau des noms d'équipe ici là. Moi quand j'étais... Ok, vous savez c'est quoi une claque qu'on met sur les bottes? Ben oui. Moi on s'appelait... C'est ce qu'on jetait sur la glace dans le temps là. Oui, c'est exactement. Nous on, au secondaire on s'appelait les faces à claque, comme la claque de bottes. Pas comme on est né avant les têtes à claque. Ouais, donc le monde disait hey, pourquoi les faces? Puis là on expliquait qu'avant l'arbitre on fait des claques d'en face. Fait que tu sais, c'est un lien avec l'impro. Tu sais, je vais penser entre autres une équipe qui s'appelle les Galéjades, qui veut dire une très bonne blague. Ok. Ils s'appellent les Galéjades, c'est drôle. Mais tu t'appelles les Goyaves y a ou pas, les Lames y a, moi, ou c'est ça, il n'y a pas d'intérêt, là. J'aimerais ça voir le gars en CA. OK, les gars. On choisit le nom d'équipe. On choisit le nom d'équipe. On a des propositions. C'est quoi les moins bons choix que t'avais? Comme on a on a les langoustines. Oh oui, c'est bon! C'est bon, ça! Ça, c'est bon, on y va avec ça. Non, mais à quel point ton école est crédible sur le plan provincial quand ça s'appelle les langoustines? Je sais pas, t'imagines mais en plus s'ils gagnent. L'année passée, ils ont gagné. En plus? Oui, c'était une excellente équipe. L'école Marcelin Campagna de... Mais ça doit être ça. C'est qu'ils savaient qu'ils allaient tout rafler, puis ils se sont dit... Ils vont... On va y aller avec un nom qui fait vraiment pas de sens. Mais nous, on disait toujours l'année passée, en tout cas, ils savent qu'ils vont se faire manger. OK, voilà. C'est excellent. C'était ma chronique sur l'improvisation. Donc, c'est Pascal de Kamouraska. Vous pouvez suivre ça directement sur la page Facebook de l'événement Tournoi provincial d'improvisation de Saint-Pascal. Ça va être filmé? Non, non, mais bien sûr, les résultats, voir si la Mauricie se démarque. Au niveau... de voir si la Mauricie se démarque. Vous allez voir, c'est super le fun. Puis on va découvrir peut-être des futurs talents qui vont venir jouer. Puis là, toi, cette fin de semaine, tu pars, tu t'en vas dans le fin fond de là-bas. Ouais. Arbitrer ça. Ouais. Ça doit être pas pire. Mais pour vrai? Tu dois te sentir avec des gens de ton âge. Mais non, non, non, mais imagine un gars de 12 ans qui arbitre tout le monde secondaire. Hey, hein? Mais pour vrai, on va dériver un petit sujet. Tu sais, faut dans la vie, il faut que tu fasses des choix. Oui, oui, en effet, je suis d'accord. J'étais coach d'impro. Oui. Au niveau pro, les faces à claque où j'ai joué au secondaire. OK. Et dû à mon déménagement ici, oui, à Trois-Rivières, je coach plus. OK. Et nous, les faces à claque, j'avais une très, très bonne équipe que je salue d'ailleurs parce que je les adore, c'est mes amours. Ils étaient très, très bons. C'est comme la confession de Xavier. Non, non, non, là, attendez, ça prend plus de fond. Là. C'est comme si c'est émotif, je le sens. Non, non, mais c'est pas émotif. C'est que tu fais des choix. Et oui. Quand t'es coach, c'est pas nécessairement la job la plus payante. Non, c'est sûr. Hein? Parce que tu vis de subventions, tu vis de peu importe. Et l'année passée, mon équipe... Mais les arbitres! Mais les arbitres! Voilà où je m'en vais! Voilà où je m'en vais! Donc, les coachs, moi, mon équipe n'a pas fait les provinciaux. Même si je coachais, j'ai donc donné mon nom comme arbitre puisque c'est ma deuxième année. L'année passée, j'étais arbitre. Et tu t'en vas... Mettons, je pars d'ici à Trois-Rivières avec mon char, là, pour donner une idée. Je m'en vais à Saint-Pascal-le-Kamouraska. Mon gaz est payé. Ben oui, c'est sûr. J'arrive là-bas. T'es logé. Je suis logé. Je suis nourri. Puis en plus, je suis payé. Je suis logé, payé, nourri, transporté. Tout le monde va s'inscrire pour devenir arbitre maintenant. Ouais, mais ça te prend une certaine compétence. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que malgré mes 12 ans, je suis pas l'arbitre avec le moins d'expérience. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas le gars, j'ai beaucoup d'expérience en impro, j'ai du vécu au niveau des professeurs. Mais c'est toujours le fun, comme quand t'es coach, tu aides 6 joueurs à progresser. Et là, quand t'es arbitre, tu aides 30, 40, 50 joueurs à donner des conseils, puis à progresser, puis à dire des retours de match, puis comment t'as trouvé ça, puis pourquoi t'as... Puis tout ça, puis cette conversation-là... C'est différent, ouais. C'est différent, puis c'est une vision plus éducative de l'impro quand t'es arbitre. C'est sûr. Mais en même temps, quand t'es coach, t'es éducatif avec tes joueurs, puis tu sais ce qu'ils sont capables de livrer. Alors que là, t'as plus le contrôle sur l'improvisation. T'as le contrôle sur l'improvisation comme les règlements, puis tu vas les faire respecter comme t'es arbitre, mais t'as plus le contrôle sur qui embarque, puis qui que tu voudrais voir parce qu'il est drôle, ou lui, il marche dans l'affaire, lui, il bon. Puis c'est le coach qui décide de changer ses bottines de joueur. Donc, c'est un choix que j'ai fait d'être arbitre. Je souhaite à tout le monde un jour de pouvoir transmettre des compétences que vous avez parce que c'est super important de donner ça au futur, même si on a juste 12 ans. Mais donc c'est ça. Donc c'est un choix que j'ai fait monétairement, c'est super intéressant. C'est sûr. Puis pour vrai, le tournoi provincial d'improvisation de Saint-Pascal Kamouraska, c'est un des plus gros tournois de la province de Québec au niveau de l'improvisation secondaire. Et il vaut le prix qu'il coûte. Parce qu'il coûte cher, là, tu sais. Ah ouais, ok. Faut-tu te rendre? Ouais, c'est sûr. En partant. Déjà. Première étape. Deuxième étape. Faut que tu payes la bouffe. Oui. Parce qu'eux sont nourris, mais sous un montant. Ben oui. Puis toutes les équipes payent les arbitres pour les matchs. Oh mon Dieu! OK. Voilà. Petit tournoi qui coûte cher. Dans le fond, c'est plus cher qu'un jeu à l'université. Ouais, c'est ça, hein? Ben quand même, on va suivre comment vont nos équipes de la Mauricie. Au retour, on va discuter un petit peu musique, tiens. Je te le dis. Incroyable. T'es-tu prêt? Ouais. OK. C'est fou! 89.1. Tu chantes dans le même registre que je n'entends toujours pas. Entends mon fiel comme une promesse, non pas d'amour mais de détresse. Ma rage est une arme de guerre qui n'attendra pas tes prières. Pour te renvoyer en enfer. D'entendre les deux luxes avec Diable du printemps. Vous êtes toujours en ondes sur les ondes de C'est fou 89.1 FM pour l'émission Assemblage requis. L'émission matinale qui devrait se terminer vers les 9h30 parce qu'après ça va être Génie en liberté. Mais on a décidé de vous faire découvrir certains artistes, Xavier et moi, ce matin. Xavier, tu vas même me faire découvrir un artiste ou du moins un band que j'ai jamais entendu. J'ai bien hâte d'entendre ça. De qui est-ce que tu nous parles? Je vous parle de Rhythmix, qui est dans le fond un groupe qui a fait de la festival d'été en première partie de Vincent Vallière, que j'ai découvert, qui fait partie d'une école de musique qui s'appelle Amplisson à Québec. OK. Donc, c'est un groupe de jeunes âgés entre, si je ne m'abuse, 17 et le plus vieux doit avoir 20 ans. OK. Ils sont deux chanteurs. Là-dedans, il y a des guitaristes. Ils sont une dizaine dans ce groupe-là. Et c'est un groupe qui est financé par une école, dans le fond, une école de Québec. Donc, eux, ils n'ont aucun budget à faire. Donc, Rhythmix, qui est ce groupe-là. Et là, je vous présente la chanson One Thing, mm-hmm. chantée par Félix Gilbert, qui est un des membres du groupe. Et je vous laisse écouter ça, puis on s'en reparle après. OK, excellent. Donc, on va aller écouter ça comme excellent. Ça. Là, on va faire arrêt ici, puis on va faire play ici. All I want from you is one thing. You don't wanna talk about. Every time I try to say it, you don't let me get it out. You find comfort in denying, while my heart is dying to shout. How long are you gonna hide this from yourself and everyone around? All I need from you is something that you don't wanna talk about. But this thing you're feeling, I can see it in your eyes. Your high hopes and expectations have all gone. You need to know that what we got here doesn't come to end. Eh oui, donc Rhythmix. C'est excellent. J'adore ça. Mais donc c'est ça, c'est un groupe de jeunes. Ok. C'est un groupe québécois. Ils viennent de Québec. C'est des jeunes qui se sont mis ensemble dans l'école Amplisson. C'est sûr que l'école Amplisson a aidé à les unir, tu sais. Mm-hmm. Et ils se sont assis. Puis dans le fond, Amplisson, ils ont 7 albums de cover. Ok. Faits par des groupes de différents âges. Donc les plus jeunes, de mémoire, les plus jeunes ont 7-8 ans. Puis ils ont vraiment une passion pour un instrument. Et les plus vieux, ils ont un groupe d'adultes, là, un groupe senior. Là, okay. Avec tu sais, ils font de la musique, c'est pas nécessairement des experts, genre. C'est du monde qui veulent percer puis veulent apprendre encore certaines Tu sais, je pense entre autres, il y en a un qui apprend la guitare, le drum, puis la seconde après, il peut décider de faire de la bass. Là, okay. C'est vraiment, ils veulent apprendre la musique. C'est pour apprendre. Et là, de sortir ça, ça a été fort là, quand même, là, près de 4000 visionnements pour un petit groupe comme ça. Ben oui. En février 2015, ils ont sorti ça. Après ça, ils sont allés au Festival d'été avec plusieurs chansons en avant, en première partie de Vincent Vallière. Ouais, c'est excellent. Ils ont fait un... Amplisson a fait une émission à la télévision sur les effets studio. OK. Sur comment que ça fonctionnait, puis comment ils enregistraient, puis les préparations de leur album. C'est stagé, c'est enregistré. Puis après ça, ils font un show. OK. Et genre, ils vont vendre des billets littéralement. Là. C'est vraiment comme une petite vie d'artiste. Mm-hmm. Donc... veux pas, pour des jeunes de cet âge-là, de vivre ça, de cette expérience-là. Ben oui, c'est vraiment le fun. D'enregistrement studio, de vidéoclips, parce que vous pouvez les voir Amplisson sur YouTube. On parlait de YouTube tantôt. Amplisson One Thing pour cette chanson-là. Vous marquez Rhythmix, R-Y-T-H-M-I-X. Rhythmix, mm-hmm. Amplisson. Puis ils vont avoir toutes leurs autres chansons. Fait que okay. Ils tournent des vidéoclips. Tu sais, ils vont faire de l'enregistrement studio. Ils font des cours de musique. Ils font un album. Ils vont se produire en show. Ils vont dans des gros festivals devant du monde. Tu sais, c'est un peu vivre une petite vie de rockstar. Puis moi, j'encourage ça parce que il faut que. Ces jeunes-là continuent à percer parce que c'est des jeunes qui aiment la musique, qui sont passionnés parce qu'ils vont à faire jusque faire tout ça. Et ils ont un talent, veut pas, quand même assez impressionnant là, pour faire ça. Ben oui, clairement. Puis tu sais, c'est sûr que c'est pas, mettons, la chanson la plus incroyable, mettons, au Québec. C'est pas la chanson qui va faire toutes les palmarès top 1, mais ils font ça à 16-17 ans, genre de leurs mains, d'une école de musique. Ils sont partis de ça, puis ils ont fait de quoi être vraiment bon. Puis tu sais, je vous présente One Thing aujourd'hui, mais ils ont plein d'autres chansons super intéressantes. Puis ils sont encore en travail sur des nouvelles chansons, des créations. Ils font du cover, mais ils font des créations aussi, puis c'est ça qui m'impressionne d'eux. Maintenant, toi, tu nous présentes qui? Eh bien, c'est drôle parce qu'on va rester un peu dans la lignée des gens qui sont quand même jeunes. OK. Je vais vous présenter deux artistes de style country parce que je les ai fait, comme je le disais tout à l'heure, découvrir dans mon émission hier, parce que c'est tout le temps de la musique country que je fais jouer dans cette émission-là. Et la première artiste que je vais vous faire découvrir, elle s'appelle Hailey Georgia. Elle est née en 95, donc ça l'amène aux alentours de 21 ans à peu près. Elle a commencé sa carrière musique à Nashville parce qu'elle vient de là-bas, elle vient du Texas. Donc déjà en partant, en étant près de Houston, près de Nashville, déjà on sentait que c'était la fibre un peu country qu'on allait ressentir de cette artiste-là. Mais on entend parler d'elle surtout à cause de ses hits Spotify. L'application pour écouter de la musique là, dont on parlait tout à l'heure, qu'on peut mettre dans certaines voitures tout en laissant notre téléphone de côté. Eh bien, elle a été quand même récompensée pour plusieurs de ses chansons qui se sont retrouvées justement dans les top playlists qui ont été écoutées sur Spotify. Son plus récent single que je vais vous faire écouter est sorti en janvier. C'est vraiment très bon. C'est sûr que c'est du pop country. Faut pas s'attendre à un gros rock heavy metal. Non, c'est ça. Mettons la fille, elle est pas la fille qui fait du drum, du clavier, puis en plus de chanter en même temps. Non, exact. Tu sais, elle fait pas tout ça. Par contre, elle a quand même... Qui fait tout ça? Grégory Richard. Comment il s'appelle déjà? Steve Hill fait tout ça. C'est en le one-man show, ouais, clairement. Ouais. Okay, oh, ouais, cool. Je te ferai écouter ça à un moment donné. mais on s'entend que Hailey Georgia a fait parler d'elle à un jeune âge parce qu'elle a quand même participé à plusieurs spectacles avec des grands de la musique country. On parle entre autres d'Eric Church, Florida Georgia Line qui est très très pop, Colt Forth, Chase Rice, Kane Brown qui lui aussi est un artiste presque émergent de la musique country. On entend parler de plus en plus de lui. C'est comme la nouvelle tête lorsqu'on décide de parler des jeunes dans le monde du country qui se démarquent de façon existentielle ces temps-ci. Donc, son premier hit qui a fait parler beaucoup sur Spotify, c'est son hit qui s'appelle Ridiculous. Ça l'a gagné aussi des billboards sur Sirius XM. Ça l'a beaucoup roulé. Donc, on entend parler d'elle de plus en plus. C'est sûr qu'elle n'a pas énormément de chansons qui sont sorties. Elle fait ses débuts, mais je vais vous faire écouter son plus récent single qui s'appelle Nevermind. Et au retour, je vais vous parler d'un deuxième artiste. You haven't said you love me. You haven't said you don't. You haven't said you're leaving. But you're never getting gone. You haven't said you need me, but you're always trying to call, calling me 3 a.m. Here we go again. You may think you got me where you want me. Honey, hold up, I got news for you. If you don't make up your mind, if you don't show up on time, I might just forget your name. Boy, I ain't playing. If it's gonna go this way, let me get a few things straight, 'cause I got my own games. Boy, I'm just saying, if you were never mine, never mind. If you were never mine, never mind. I haven't said I love you, but I've gotten kinda close. And if you hold me closer, boy, you gotta know. You may think you got me where you want me. Honey, hold up, I got news for you. If you don't make up your mind, if you don't show up on time, I might just forget your name. Boy, I ain't playing. If it's gonna go this way, let me get a few things straight, 'cause I got my own games. Boy, I'm just saying, if you were never mine, never mind. If you were never mine, never mind. Boy, I wanna see you tonight, but if you were never mine, never mind. You were never mine, never mind. If you were never mine, never mind. Boy, I wanna see you tonight, but if you were never mine, never mind. If you don't make up your mind, if you don't show up on time, I might just forget your name. Boy, I ain't playing. If it's gonna go this way, things straight, 'cause I got my own games. Boy, I'm just saying, if you were never mine, never mind. If you were never mine, never mind. Boy, I wanna see you tonight, but if you were never mine, never mind. Never mind, never mind. La nouvelle sortie d'Ailey Georgia qui est sortie janvier approximativement et qui fait vraiment beaucoup parler sur Spotify. Je vais parler. Oui. Je veux savoir ce que tu en penses. Mais. OK. Il y a un poste à Québec que je nommerai pas. Un poste de. Oui. Parce que moi, je peux pas écouter, c'est fou, à l'année. Non, c'est ça, parce que t'es pas tout le temps à Trois-Rivières. Non, comme ou dans les environs de Trois-Rivières, puis on diffuse pas jusqu'à Québec ou Montréal. Bon. Donc, même on vous perd avant. Oui, c'est on ça. Tu peux l'écouter sur Internet, mais quand même. Mais mon forfait de cela va me coûter. C'est ça. Bras. Oui. Donc. J'écoute une radio à Québec, mm-hmm. et quand le mot « new country » arrive, ouais. Je change de poste. Pour vrai? Pourquoi? Parce que ils mettent pas ça. OK. Ils mettent du « new country ». Est-ce que je te vois pas? Ouais, moi non plus, puis ça me buzz. Ils mettent pas ça. OK. Ils mettent du « new country ». Genre Patrick Normand. Non, quand même du récent, là. Je pourrais te dire un peu là, leur top new country en ce moment, là, si je suis capable d'aller chercher. Genre Luke Bryan. Oui, mais j'aime Luke Bryan. C'est okay. Pas, c'est vraiment du mauvais new country. OK, je comprends. Donc celle-là, tu l'as appréciée quand même. Oui, c'est ça. Donc, quand tu m'as parlé de. Voyons. Quand tu m'as parlé de country, je vais te dire, OK, je suis pas toujours. Tout en in à l'idée. Oui, c'est ça, je suis pas toujours down de. D'écouter du New Country, mais ça, c'est bon. Tu vois, ça me fait beaucoup penser, évidemment, on parle d'une fille qui va chanter country, fait qu'automatiquement, ces temps-ci, on va la comparer à Taylor Swift, mais je trouve que le son est quand même différent, parce que Taylor Swift, c'est encore plus pop que ça, alors je veux même pas la comparer à elle, puis de toute façon, ça vaut même pas la peine de la comparer à elle. Non, j'ai leur nom. OK, vas-y. Mettons, Ryan Hard. Ouais. Jackie Lee. Ah, mon Dieu. Brett Young, tu sais. OK, Brett Young, ouais. Genre, ce style-là, là. Tu sais, le style très, très, très, très Nashville. C'est ça. Mais, tu sais, t'es une fille de NASCAR, tu voyages beaucoup. Moi, Sam Smith, j'aime ça. C'est du new country. Ouais, c'est très bon, Sam Smith. Mais j'aime pas les Sam Smith radiophoniques. Ouais, non, moi aussi, j'ai un petit peu plus de difficultés. J'en dirais que, pour moi, Body Like a Back Road, je sais pas si c'est quoi. Oui, ouais, ouais, c'est la plus récente. C'est ça. C'est pas bon. Non, hein? Donc, si c'est ça que tu me présentes, en disant que tu vas me présenter du New Country, tu me perds. Ouais. J'aime cette radio-là, j'écoute cette radio-là parce que c'est la seule qui me permet... Je suis sûr que je sais c'est laquelle en oui. plus que tu parles. Mais on peut pas les nommer. Non, c'est ça, exactement. Donc, cette radio-là me permet d'écouter autre chose. Ouais. Puis moi, ce qui me fait... Tu sais, puis moi, ça me fait beaucoup rire, OK? J'écoute des fois des radios parce que je me promène beaucoup. Je suis un gars qui voyage ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malgré que je peux pas conduire manuel. c'est ça. Et je pogne des postes de radio et on joue à un jeu. OK. Et vous allez essayer ça en voiture. Et c'est là que je découvre des nouveaux postes de radio. Puis c'est vraiment le fun. On joue à char jaune. Vous connaissez le concept des autos jaunes? Ouais. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Mais pas avec la bine. OK. Quand tu vois une auto jaune, tu payes sur SIC. Fait que ça va au prochain poste. Oh! Puis tant que t'as pas vu d'auto jaune, tu peux pas changer de poste. Ah oh, mon Dieu, c'est traumatisant. Mais... Tu dois tomber sur des affaires bizarres. Écoute, j'étais sur la rue principale à Baie-Saint-Fol, les fenêtres baissées. OK? Avec mon père, mon chum de gars, puis mon frère. Et on écoutait du gros classique oh, mon Dieu. De première Radio-Canada. C'est une très bonne radio. Ben oui, c'est excellent. C'est excellent, mais... Moi, j'ai commencé à aimer la musique à cause de la musique classique, justement. Et voilà. Donc, donc d'écouter ça, c'est la vue principale à Baie-Saint-Paul parce qu'on joue à auto jaune. Ouais. Et là, quand on croise une auto jaune, on est là, les fenêtres baissées sur du gros classique. Et de passer... du gros rock sale. Ah, c'est en sûr. En 30 hein? secondes, whoop, changement de... Tu sais, on est... Ça, c'est ce jeu-là. C'est donc... les gens autour qui ont été surpris. Et nous aussi. Oui. Je veux pas. Donc, c'est comme ça que je découvre des postes de musique. Et selon mes écrits, quand je les trouve intéressants, puis j'en parle. Et c'est ça. Et ce poste de radio-là a été découvert comme ça. OK. C'est comme ça que je ne connaissais pas. Ah, oh, cool. Et sur une journée où on jouait à ce jeu-là dans le trafic... J'ai découvert cette radio-là. Puis aussitôt que dès ma première journée, j'ai pogné cette fameuse partie country qu'ils mettent. Puis pas aimé. Puis j'avais pas l'air de changer de poste. En plus. Et là, j'étais pogné là. J'adore le country là. Je suis un mélomane fini. Oui, c'est moi, ça. Pour ceux qui le savent pas, j'ai presque. Tu sais, on donne beaucoup de CD à Xavier là. Beaucoup trop de CD. Puis moi, je fais des mashups, puis j'écoute ça, puis je fais des backgrounds, puis des thèmes, puis tout ça. Je suis un gars qui a du temps à perdre, malgré l'université et 12 ans. Mais non, je trippe tout ça. Mais quand je pogné là-dessus. Ouais, c'est différent. Hein? Il y en a qui sont pas. Je suis pas capable. Mais j'espère que tu vas apprécier le prochain dont je vais te parler. Mais je veux juste revoir son nom à la première. À la première, c'est Ellie Georgia. Georgia. Je te l'enverrai. Mais ah oui. J'y dirai, appelle Xavier. Appelle-moi, s'il te plaît. Ellie, si tu m'écoutes, appelle-moi. Ça. Le prochain dont je veux vous parler, bien là, ça va être un chanteur country, non pas une chanteuse country. On parle de Dylan Schneider, qui, lui, est un auteur, compositeur, interprète, qui est aussi jeune, mais c'est la façon dont il a commencé qui m'a quand même assez interpellée. Il a commencé sa carrière dans les résidences pour personnes âgées. Attends. OK, il y a comme eu un long silence. Xavier m'a regardé avec des gros yeux. Attends, mais je trouve ça tellement cool. C'est hot, mais en même temps, c'est quoi ton public cible? Ben, il voulait tout simplement commencer à faire de la musique. Donc, tu sais, de la musique country, ça rejoint pas mal tout le monde, surtout si t'es de l'Indiana, puis tu t'en vas vers Nashville. OK, c'est pas un Québécois, là. Non, Dylan Schneider, trouve pas ça sonne Québécois. Hey, est-ce que t'as vu mon nom de famille? Okay, j'avoue. C'est on sait plus, où qu'est-ce qui est Québécois. Tu sais, tu vois ma face, je te dis mon nom de famille, t'es comme, non, t'es un gars, genre. C'est vrai. Je suis basané, je m'appelle McClish, comme tu fais pas, je suis un Québécois, là. Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'imagine le gars dans... Mais je trouve ça vraiment très cool, en fait, parce que c'est peut-être à cause que j'ai un amour inconditionnel pour les personnes âgées en partant. Mais il a commencé en faisant ça dans les résidences pour personnes âgées, mais surtout pour les textes de ses chansons. T'es un gars de 85 ans, t'es assis à ta chaise berçante de l'Indiana, il y a un gars qui arrive secteur, tu dis, hey, c'est-tu bon? Puis il joue secteur. Mais non, mais ça devait être des petits concerts organisés avec la résidence. Non, mais quand tu dis, il a commencé dans une maison de personnes âgées. Là, je viens de me perdre. Ouais. OK, c'est beau, je viens de me revoir. OK. Donc, quand tu commences à une maison de personnes âgées, c'est rare que tu commences, mettons, par un concert. C'est là que tu commences à jouer de la musique, là? Ouais, non, mais tu sais, c'est pour ça que tu fais une résidence pour personnes âgées, il doit y avoir 3-4 personnes dans le salon. Il est assis dans une chaise personne avec sa guitare, il s'accote la guitare à sa cuisse, puis il joue acoustique, tu sais. Acoustique, puis il dit, ah, t'aimes ça, tu sais. Mais Après ça, t'arrives à la radio, c'est, ton public cible un petit peu changé. Là. Ben, ça dépend, mais ça dépend. Mais pas, c'est ce monde-là qui écoute la radio. Exact. Parce qu'ils sont, là, puis en fonction, on les salue. Pis je pense que le country, ça peut avoir une auditoire qui est quand même assez grand. On s'entend que c'est pas le même style que Florida Georgia Line, qui déjà en partant est pas mal plus pop, pas mal plus jeune. Mais, même les paroles sont plus jeunes. Florida Georgia Line va être dans des playlists country. Oui. Mais selon moi, c'est plus... tant country rendu là. Non, non, non, c'est ça, c'est vraiment plus... Tu sais, la dernière que t'as présentée, rajoute-y un banjo. Ouais. Puis t'es plus que country, là. T'es, mm-hmm. T'as la chemise carottée, puis là, hi-ah! Ouais, c'est avec, ça. Tu sais, la petite étoile de cowboy, là, en arrière de la botte. Là, pour, le petit shérif, là. Ouais, le petit shérif. Non, non, mais Florida Georgia Line, pour moi, c'est pas du country. Je ne considère pas que... Mettons, tu me dis, on parle de country. T'es pas le premier qui me dit ça. Je considère pas que Florida Georgia Line... Hey, mon Dieu, ça a été bien dit, ça. Ouais. Hein? C'est hot. Je ça. Ne considère pas que Florida Georgia Line... est un artiste country. Mais ouais, oui, oui, il l'est. Ouais. Mais non. Oui, mais non. Je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il fait du country. Ouais. Mais son public n'est pas du monde qui écoute du country. Non, c'est vrai. Ça, t'as totalement raison. Donc... selon moi, si tu considères que t'es un artiste pop, on n'a plus de background, hein? Non, je sais, parce que j'attends de mettre la chanson. OK, OK. Donc, c'est ça. Donc, et là, ce que tu m'as présenté, j'ai oublié encore son nom. À la Kelly. Kelly. Ben moi, je pense que ça va chercher du monde qui écoute du country. Exact. Mais autant moi qui écoute pas de country, parce que ça a moins bien me chercher, j'ai aimé ça. Ben si t'aimes Luke Bryan, parce que tout à l'heure, oui. Tu me disais que t'aimais quand mais même Luke Bryan. Mais non, mais j'aime Luke Bryan parce que c'est un effet de groupe. Tu sais, la compagnie créole a le même effet. Non, ben... OK, ben tu devrais aimer Dylan Schneider parce que c'est un petit peu dans le même style de texte. Et c'est pourquoi j'ai trouvé ça le fun qui disait qu'il avait commencé sa carrière dans les résidences pour personnes âgées. Oui, c'est parce qu'il allait les chercher avec les textes. Et par la suite, pour le côté beaucoup plus musique, il est allé dans les bars de bikers, tu sais, genre les motards. Fait que c'est comme un Alexandre Poulain avec une veste de cuir, genre, si on le compare au Québécois. Il est un gars de texte, mais en même temps, il est comme rebelle country. C'est ça, pareil. Tu vas voir, je te laisse écouter ça, tu me diras ce que t'en penses okay. Après. Baby, I've been looking at you. Maybe I'm crazy, but it looks like you're looking at me too. Why don't we take this party out onto the back roads? Find a little spot nobody else knows. And why don't you slide on over? Why don't you take my hand? Why don't you close your eyes and lean on in and take a chance? I ain't asking for a line, I know it's a long shot. All night long, you get me high. bad could one kiss hurt, Dylan Schneider. Déjà en partant, je trouve que c'est très différent de la première chanson que je vous ai fait écouter de Haley Georgia, parce que je trouve que c'est plus country authentique. Là. Je dis vraiment authentique avec les guillemets ici. Plus rural. Oui, c'est ça. Je vais te faire une image de ce que j'ai pensé de la chanson. OK, vas-y. Okay? Ça va peut-être... Tu l'analyses comme tu la veux. Tu vas me dire que ça pouvait jouer à la station de radio que t'aimes pas, c'est ça? Non. J'imagine, la situation que j'imagine, c'est les fenêtres baissées en char. Clairement, road dans, trip. Dans une grande prairie, là, canadienne, avec mon ami qui a un verre de scotch. Comme la main dehors. Puis il boit son scotch, puis t'as le gars en arrière juste qui dort. C'est vrai. Parce que trop dormi, c'est ça, tu sais, comme ça pourrait être le vidéoclip, on devrait lui écrire. On va y écrire, on fait le vidéo. Puis non, mais on va y offrir nos services. Parce que clairement, genre, il y a juste le gars dans le coffre qui lave des verres et qui sort des verres de scotch. Non, mais tu sais, c'est comme le mix entre le road trip puis le bar. Ouais, vraiment. Puis en même temps, c'est comme c'est une chanson que j'écouterais, mettons, pour me lever le matin. C'est comme tu fais tes toasts, ça fait, tu t'en vas travailler. Ça, hein? Ça te met de bonne humeur, là. Tu peux pas dire que. Mais de bonne humeur, oui. Mais mettons, pour te donner une idée, je me lève avec du Bon Jovi d'habitude. Ouais, c'est ça. Fait que tu es comme, ah, c'est comme, ouais, ma journée est partie. Puis c'est pas avec un mal de tête en partant. Clairement, mais oui. Mais ça, je pense que, tu sais, il y a comme trois situations où j'écouterais ça. En road trip, dans un bar où j'ai une soirée relax en background parce que ça. Tu parles avec ton chum, pas, mettons, au Dagobert, là. Mais, ouais, non. Dans les bars de Cécile, là, le temple ici à Trois-Rivières. Dans un bar où, mettons, tu vas t'asseoir, Jack Saloon, où tu vas jaser, mettons. Mm-hmm. La chasse-galerie. Oui. Puis. Dans un road trip, puis quand je me lève le matin, c'est comme ta toast est là, ça joue en background. Comme... Mais en vrai que je m'assirais pas assidûment. Pour écouter ça. Pour écouter ça. Même ouais. Comme, j'écoute beaucoup de musique, OK? Chez mes beaux-parents, on a un gros système de son avec. Ils ont un gros système de son. Ouais, c'est ça. Pis, on exclut la personne qui parle. C'est ça. Ils ont un gros système de son avec plein de CD. Puis. Les autres sont français. Donc... T'es capable de t'asseoir puis d'écouter de la musique, juste faire ça, ouais. Mettons, puis avec ce style-là, tu serais pas nécessairement non, capable. Non, c'est ça. Okay. Je serais pas capable de. Tu sais, mettons que tu me sors une banque musicale, parce ouais. Que moi, j'ai une trolley de CD, puis je te présente des CD. Tu me présentes ça, je suis comme, OK, c'est bon, mais on parle en même temps. Je peux mm-hmm. pas juste être assis puis à écouter ça. OK. Je trouve ça bon. C'est, ouais. Mais personnellement, je me vois pas assis. Mm-hmm. Seul dans mon auto à rouler 2 heures juste à écouter de la musique. Parce que je veux pas, vu que je roule beaucoup, j'analyse puis j'écoute les chansons. Puis tu sais, quand c'est rendu que t'écoutes une chanson puis tu chantes la toune avant qu'elle arrive. Ouais, c'est parce que t'as connais beaucoup. Hein? C'est parce que ton CD, il y a. Genre, tu sais, il y a des chansons que je chante avec des bugs. quand t'as. Tu sais, comme quand t'apprends des chansons avec un CD buggé, ouais. J'ai entre autres, j'ai volé. Je sais plus où. J'ai emprunté à long terme un CD des Cowboys Fringants. OK. Que la symphonie de Casa est sautée. Oh mon Dieu. Fait qu'il dit et les mets en dessous d'un parc parce que ça bug. Puis je la chante comme ça quand elle passe sur mon CD. Parce que je sais où ouais. Elle bug. C'est ça vraiment, l'affaire. Là, mais ça, non. Ça, il pourrait jouer en background. Puis je pense pas que j'analyserais les paroles. Ouais. Elle serait là. Puis je remettrais le CD. Puis je serais comme ah, c'est quoi cette chanson-là? OK. Il faudrait que j'aille voir c'est quoi l'arrêt de CD. Ouais. Tu comprends? Alors qu'il y a des CD où que, comme, tu chantes, tu t'en vas. Tu le sais, ouais. Tu le sais où que tu t'en vas, tu sais, les musiques. Puis elle, non. Je pense que ça, c'est un avantage pour lui parce que je pense pas que je me tannerais. Le CD pourrait recommencer au début, je m'en rendrais peut-être même pas compte. OK, ouais, je comprends. Tu comprends ce que tu veux dire? Ouais. C'est tellement pas quelque chose que je chanterais. Et comme il y a deux types, tu chantes ou tu l'écoutes. Ouais. Ceux que tu chantes, souvent, tu connais le CD par cœur. Puis ceux que t'écoutes, ben, des fois, vu que c'est du background, mais ben, quand il rembobine, ben. Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, puis t'es revenu au début, t'es comme, oh, ben, mon Dieu, j'ai fait 2 fois le CD aujourd'hui. Non, mais parce que tu sais, t'es rendu à ouais. Tune 14, puis là, tu vois qu'elle rembarque sur un, c'est comme, oh, puis tantôt, on ouais, est... c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est ce CD-là, je pense. Mais j'adore ça, c'est des belles découvertes, puis merci. Ben, ça fait plaisir. Au retour, Xavier, je pense que c'est toi qui vas nous parler peut-être un peu road trip, voyage. Voyage, on reste dans ce là. Écoute, finalement, c'est pas si loin que ça. Non, c'est on ça. On a parlé de Kamouraska, de voyage. Finalement, on pensait faire. On reste dans le même thème. Oui, c'est cool. On pensait on faire. On a une ligne directrice. On pensait faire des choses qui ont. Qui avaient pas rapport. Pas rapport, vraiment. On était comme, hey, on s'en va tellement à des points différents, mais non. Et je viens d'avoir la réponse. Hein, mon Dieu, live. Merci beaucoup, Xavier, de Félix, le chanteur du groupe Rhythmix, qui a écouté l'émission. Sweet. On le salue. Puis j'espère que tu as écouté les 2 nouvelles propositions qu'on a faites, Félix. Ben oui. Puis donne-nous des nouvelles, écris-moi. Réponds-moi sur les internets. Les internets. Mais on avait parlé aussi d'un groupe là, pour rester dans le même sujet, parce que Illusion que j'avais présenté. Ouais. Récemment. Moi, c'est le genre de groupe que j'écoute un peu comme tu nous présentes. Okay. J'aime de faire passer à ça. Cool. Voilà. Au retour, on part voyage. Restez voilà. Avec nous. Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. d'informations, visitez cifou.ca. Toujours dans l'émission Assemblage requis, pendant que Xavier parle par-dessus les fonds. Oui. Avec le micro ouvert. Oui. T'as vu le deuxième texte que je t'ai envoyé? Oui, oui, j'ai vu ça. Xavier, tu nous parles de voyage. Mais moi, je suis pogné. Ben oui. Moi, je suis pogné. En vrai, j'ai stagné là depuis deux semaines. Mais c'est correct parce que moi aussi, je me sens comme ça. Depuis les deux dernières semaines où j'anime et je remplace Mathieu Plante, je suis tout le temps en train de parler de voyage. Je pense que j'ai besoin de vacances. Puis le pire, c'est que j'arrive de vacances. Fait que, tu sais, ça va pas bien. La fille arrive de Floride. Elle est déjà prête à repartir. Mais moi, ce que je vous propose, on parle beaucoup de voyage international. Oui. Là, aujourd'hui, je vous parle plus, dans le fond, de voyage intra-Canada. OK. Donc, Via Rail a, pour le 150e du Canada, fait un stunt, ouais. Marketing mais de feu. Feu, là. Donc, non, mais tu sais, comme les chiffres sont là. Oui, oui, oui, clairement. L'option est là. Donc, on a parlé de tourisme en début d'émission. Ça va être l'année du tourisme. Ça va être au Québec l'année. Faites attention à vous, comme j'ai dit. Ça va être crowded. Ça va être fou pour l'expression anglaise. Désolé, là. Mais ça va être rempli de monde, le Québec, le Canada. Et là, ils viennent de ramasser le marché du voyage. Ça va être fou. Et là, vous savez pas où je m'en vais, mais moi, je le sais. Et là, je vous dis ça. Si vous avez entre 12 et 25 ans, ceci est votre chance. C'est ça qu'ils ont écrit pour vrai. Oui, oui, oui, vraiment. C'est ça qui est écrit. Est-ce que si tu crois qu'on a 25 ans, tu sais, notre 25e commence là. Je pense que c'est inclus. Okay. Est-ce que t'as 25 bientôt? Ouais, ben je viens d'avoir 25. Félicitations, bonne fête. Merci beaucoup. Alors, 150 ans, 150$. Pour 150$, n'importe quel voyage en train à l'intérieur du Canada. Oh my God! C'est fou. Moi, je dis ça de même. Là. Mais à partir du mois de juillet, ouais. Je suis tellement déçu un peu. Parce que ma copine s'en va en Colombie-Britannique, puis j'aurais tellemment fait une belle surprise. Tu sais, mon temps, ça aurait été d'aller la voir au mois de mai pour 150$. Mais là, au mois de juillet, c'est quand même un œuf de fou. Duquel je pourrais pas profiter puisque je c'est valide simplement pendant le mois de juillet, c'est ouais. ça? Ouais. De ce que je comprends, ça va être juste valide en juillet. Peut-être qu'ils vont étirer l'offre parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Je suis sûr. Ils risquent. Mais moi, je voudrais qu'ils devancent l'offre pour qu'ils mettent ça au mois de mai pour que les étudiants, entre leur job d'été et l'université, puissent le faire. Mm-hmm. Donc, 150$. Et là, je vous nomme les villes qui peuvent être impliquées là-dedans. Dans le fond, il y a Québec, Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg. Il y a plein de villes dans le sud-est de l'Ontario, ouais. Là, des plein de petites villes, Hamilton, Oshawa, tout ça. Et là où je m'en vais, c'est que tu peux voyager intra-Québec. Et ah, pour vrai? Eh oui. Pour 150$, tu peux aller faire Gaspésie au complet. Ouh, nice! Tu peux aller à Rimouski, tu peux aller à Rivière-du-Loup. OK. Tu peux aller en Abitibi pour 150$. Tu peux aller au Saguenay pour 150$. Tu peux aller à Toronto pour 150$. Tu peux aller à Toronto. Non, mais je comprends. Je comprends que le monde veut aller à Toronto. Sauf non, mais le Québec, c'est beau, là. C'est ça. C'est que cette offre-là, il faut que tu te dises que tu pars, mettons, une couple de jours. C'est 150$. Ben oui, clairement. Je me demande si c'est aller-retour. 150$ aller, 150$ retour, fait 300$. Non, je pense que c'est aller-retour. Attends, on va aller voir. J'allais directement sur le site de Via Rail. Parce que c'est une carte et ton nombre de voyages est illimité. C'est une carte qui vaut 150$. Pour le mois de juillet. Au complet. Ouais. Fait que tu peux te promener. C'est sûr qu'au niveau de la rapidité du transport, c'est pas le plus rapide. Ben, ça dépend. Mais est-ce que c'est le moment où mieux faire Québec-Montréal en train qu'en voiture? T'as pas de trafic. Ouais, mais attends là. Moi, ma question, c'est quand t'embarques dans le train ou quand tu sors du train? Parce que... Que ça te coûte 150? Non, non, non. Ta carte. Parce que tu pars de Québec. Oui. Tu t'en vas à Ottawa. Oui. Tu t'arrêtes une journée. Mm-hmm. C'est illimité, là. Fait que t'arrêtes où tu veux. Oui, c'est ça. Tu fais Ottawa. Tu t'arrêtes 2 heures, 3 heures. Tu ponges le train. Tu t'en vas à Toronto. Oui. Tu ponges le train Winnipeg. Sauf que là, tu pars le 1er juillet. Là. T'as pris ta carte 1er juillet, on part. Oui. C'est... De mémoire, c'est 5 heures de train, là, pour... Oui, oui, oui, quand en même. Moyenne, entre les destinations, là. Quand t'arrives à Colombie-Britannique, là, Québec comme Britannique, de train, tu reviens pas refaire toutes tes villes. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, mettons, tu vas t'arrêter, tu vas faire ton 12 heures de route, tu vas arrêter au Manitoba, dans le Manitoba, tu fais ton 12 heures de route, tu arrêtes en Ontario, mm-hmm. puis tu finis ça au Québec. Mais sais-tu, mettons, le 31 juillet, tu pars de Colombie-Britannique, puis c'est tous les voyages là-dedans, ou c'est la journée, le 31 juillet, tu dois être débarqué du train? Ouh, je sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que si tu pars le 31 juillet en Colombie-Britannique, puis tu le fais d'une traite, avec le décalage horaire, tu vas arriver en avance. Mais tu sais-tu quoi? Quoi? Ce qui n'a pas été dit nulle part là, dans cette fabuleuse annonce-là, là, c'est qu'il y avait une quantité limitée. Puis c'est déjà tout vendu? Je suis sur le site de Via Rail et c'est marqué « Toutes les cartes Canada 150 pour les jeunes ont été vendues. 1867 jeunes voyageurs découvriront le Canada cet été. » Mais c'est, ils nous font un post à matin, une vidéo il y a une heure. T'imagines à quel point ça s'est vendu rapidement? Non, non, non, mais attendez, là. Il y a une heure, moi et Tania, on voit cette offre-là. On dit, hey, c'est hot, ça vient de sortir. C'est malade. C'est, ça vient là, là, comme ça va modifier notre été. Entre 8h30, entre, en fait, 8h ouais. et 9h13 minutes officiellement. Ils ont vendu. Il y a 1860. Il y a 1860 personnes qui ont acheté toutes les cartes. Ouais. Et ça a été mis à jour, savez-vous quand? À 9h13. Ouais. Hey, je suis tellement. Attends, là, je suis. On vous parle. C'est du direct, là. Non, non, mais excusez-nous. On vous a parlé d'un sujet qui est absolument pas pertinent parce que ça vaut plus. Mais il y a 1800. Vous auriez pu voyager pourtant. On aurait dû. Criff, on aurait dû commencer par ça. C'est ça. Ah non, mais. Excusez-moi, je suis déçu. On vient de vendre notre propre punch, là. Tu sais, on est comme déçus les deux, là. Aïe, aïe. Ça veut dire qu'on peut plus voyager pour 150$, Xavier. Ah, mais j'aurais pas pu le faire. Notre chat est mort. Notre chat, notre chien. Ben, on n'aura jamais la réponse à la question parce qu'on le fera jamais. C'est ça. Ben, on va pas la poser la question à une des 1867 si vous êtes personnes. Une des 1867 personnes qui ont acheté un billet de train à 150$. S'il vous plaît, écrivez-moi. Ouais, ouais. Faites-nous savoir faites-nous c'est signe. Quoi. Là. Et je parle d'une autre petite chronique. Il me reste encore du temps, non? Oui. Oui. Oui. Comment prendre l'avion pour moins de 100$ aller-retour? Comment? Je sais pas, c'est une bonne question. Vas-y, dis-moi. Et là, vous allez dire, tu sais, quoi faire? Bon, je vous donne des trucs pour partir avec des billets d'avion pour sauver de l'argent. Ils disent moins de 100$, c'est pas toujours vrai parce que faut que tu te déplaces. Donc, partez de Plattsburgh. Est-ce que vous savez, c'est l'aéroport américain la plus proche? Oui. Et tu prends une escale. OK. Intra, avant ouais. d'aller en Europe. Tu peux sauver jusqu'à 250$. OK. Sur ton vol. Oui. Parce que tu vas sauver pour le taux de change en allant à Plattsburgh. Tu sais, t'arrives là-bas, les billets sont beaucoup moins chers. Uh-huh. Et en plus, en prenant une escale... Ben, tu te sauves des prix. OK. Donc, ça ressemble à ça. Voyager léger dans des voyages de 7 à 14 jours pour pas avoir des frais de surplus de voyage. Donc, ça, c'est super intéressant parce que tu payes pas. Tu payes ça, puis les mettre, quand tu arrives à l'aéroport, les vêtements longs sur vous. Même si tu t'en vas à une place qui est super chaude. Ouais. Dans ta valise, ton manteau d'hiver, il pèsera rien. Non, c'est sûr. Donc, si tu mets ton. Tu pars avec ton manteau d'hiver, puis tu le gardes sur toi. Ouais. Puis quand tu arrives là-bas, tu mets la. Tu le mets sur ton bras. Ouais. Fait que maintenant, tu vas à Cuba. Tout ce qui est lourd que tu vas avoir besoin à ton retour, tu le mets sur toi. OK. Genre, tu fait que ça libère ta valise, puis ça coûte moins cher. OK. Prenez pas les. Refusez les repas sur vos billets d'avion. Ouais. OK, en moins? Oui. Refusez-les. Parce que. C'est ça qui coûte cher. Ça coûte 200$. OK, je comprends. Tu refuses tes billets. Fait que tu te dis, ben, attends, elle va se le dire. Si tu t'en vas à. Thaïlande. Ouais, prends-les, là. Prends-en au moins un. Tu sais, prends-toi une coupe de snack, là, je sais pas. Ou amène-toi des bartangs, je sais pas, mais, tu sais, amène-toi, tu sais, va à la boutique Ortac, mets 200$ de plus pour un repas dans un avion. C'est cher. C'est là. Cher, mais faut que tu penses. Le monde dit pourquoi 200$? Il y a un gars qui le fait cuire. Ouais. Il y a un gars qui le met dans le réchaud. Ouais. Il y a un gars qui amène le réchaud dans l'avion. Il y a un gars qui t'est sert dans l'avion. Il y a une petite hôtesse. Madame, là. Madame, là, la fille, là. Avec qui, le petit foulard, là. Qui sait pas quoi faire quand un avion d'Air Transat a la misère. Ah, toi aussi, tu l'as vu? Oh! Et voilà. Excusez-moi, c'est trop facile. Je parle d'un avion d'Air Transat, là. Il y a un gars de la Mauricie qui poursuit. Qui capote, là. Il poursuit Air Transat parce que la fille, elle savait pas quoi faire, mais elle est en état de panique comme tout le monde dans cet avion-là, là. C'est ça. C'est pas normal que. En tout cas, il est fâché parce qu'il était plus capable de respirer. Mets ton masque puis arrête. Ouais, c'est ça. Bon, OK, mais excusez-moi, là, c'est pas lui que j'attaque. Là, c'est juste... Xavier, je t'arrête 30 secondes parce qu'il est au téléphone avec nous qui va pouvoir donner son opinion, c'est Mathieu Plante. Mathieu Plante! Hey, oh! Hey, oh! Ça va, vous remplissez donc bien l'émission avec plein d'affaires par rapport pour le jeudi. Je me demandais quel jour on était tantôt. J'ai dit que c'était comme Xavier McTish le jeudi, qu'est-ce que c'est? Ben oui, parce que Xavier puis moi, on s'est rencontrés... Tôt ce matin. C'est ça, dans un corridor hier soir. On dirait non, pas on était où, on était dans quel état, mais... C'est tôt ce matin. C'est tôt ça. Ce matin, là. Les heures de sommeil se comptent plus en unité qu'en dizaine. Donc, ça, je disais... Mais, on était rendu à parler de comment sauver de l'argent. Oui. En voyage. Non, mais pour partir en avion. Donc, l'autre option, puis je sais pas si vous avez déjà fait ça, choisir ses sièges. Hey, j'ai déjà fait ça. Justement, une compagnie de voyage, comme style voyage arabais, là, ou peu importe. Et la fille m'a dit, choisis tes sièges, ça va te coûter moins cher. Là, j'étais là, hein? Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Ah, ben la Moses. Ça coûte, normalement... À moins de 24 heures de préavis. Ouais. Ça coûte. Si t'es dans les 20, dans les 23 minutes, 23 heures 59 et moins, ça coûte rien. OK. Si t'es au-dessus de ça, c'est 25 $. Je me suis fait avoir. Sauf que, il y a une compagnie de voyage qui ne nomme pas, ils sont vraiment fins, qui font ça gratuitement. OK. Et sur ta carte d'embarquement, c'est que tu payes l'employé d'aéroport qui met ton nom sur ton billet. Ah, OK. Donc, c'est cette heure-là qu'ils vont consacrer à ça. Soyez prêts, le dernier conseil que je peux vous donner pour trouver de l'argent. Oui. Soyez prêts à partir, comme j'ai dit, fly to go. OK, ouais, genre sur le fly, là. Sur le fly, là. Tu te dis, bon, on s'en va en voyage. Toi, Mathieu, je sais pas si j'ai fait ça, mais tu te dis, on s'en va en voyage dans le sud à 3 semaines de préavis. Ouais. Tout est prêt, nos vacances sont prises, mais on sait pas où. À 3 semaines de préavis, un mardi à 3 heures. Ouais, exactement, mardi 3 heures. Mardi 3 heures, 3 semaines de préavis. Donc, faut que tu partes un mardi, 3 semaines plus tard. Tu achètes ton billet. C'est là qu'il va être le moins cher. C'est fly to go. On a une bonne chance pour avoir un boss qui est capable ou un horaire assez flexible pour pouvoir faire ça. Mais non, mais c'est que tu prends. Le concept de ça, c'est que tu prends ton congé. Hein? Oui, c'est ça. Ton congé, il est pris, tu sais pas encore où tu vas. Tu dis, mettons, toi et ton bras, vous dites. ton bras. Toi et ton bras, vous dites, OK, mardi, moi, je suis en vacances du 1er avril au 14 avril. Mais je pars en voyage. Tu prévois ton budget, tu dis, j'ai 700$, mettons, pour mon billet d'avion. Ouais. Et là, 3 semaines avant le 1er avril, tu vas sur le site, tu réserves ton billet le mardi à 3h, parce que c'est là que c'est le moins cher. 3 semaines avant, tu réserves ton billet parce que tu pars en voyage. Ton congé est pris, ton nom est accordé par l'entreprise. Puis tu sais juste pas où tu pars, puis quand tu pars. C'est ça. Sauf que, hey, tu sais pas quoi, tu me dis, moi et mon bras, j'ai pas le droit de partir en voyage. Ouais, c'est ça l'affaire. Pas le droit de quitter le Québec. Ah oui, c'est vrai, à cause du c'est fou, hein, parce qu'il va falloir que je le déclare, puis ils vont manger mon chômage. Ouais. Le chômage. Mon chômage. Donc, non, c'est ça. Donc, soyez prêts à partir. Dites-vous, soyez flexibles de où vous voulez aller. Et pour votre information, et pour terminer ça, sachez que vous êtes mieux de louer un automobile. Ben oui. Au Québec. Écoutez bien, de louer un automobile au Québec. Oui. De s'en aller à Plattsburgh et de la redéposer dans l'aéroport là-bas. L'aéroport, c'est vrai. Que de payer le parking. Ah, oh, ouais. Ça va. Wow. Ça, parce que c'est 37 $ loué par jour. Oui, oui, oui. Et je sais, je louais des voitures avant. Donc, c'est une quarantaine de $, mettons, puis l'essence. Oui. Donc, tu prends l'auto à Québec, ça te coûte, mettons. 50$. Si tu pars une semaine aux États-Unis, les parkings sont pas illimités. Ça peut te venir à 55-60 $. C'est pas fou. Donc, louer une auto, ça va te coûter 37. Puis, mettons, il est plein quand tu le loues. On le sait, ça. Ils ont comme pas le choix. Il est plein, puis tu pars à Plattsburgh, tu déposes son auto-là. Puis, quand tu reviens, comme, genre, ton vol avec ton escale, il peut être retour Québec. Ouais. Tu peux choisir tes vols comme. Fait que t'as plus besoin d'avoir cette auto-là. C'est vrai. Donc, ça, c'est des conseils personnels, là. C'est pas des conseils qui venaient avec... Non, tu as vécu, tu l'as dit tantôt, là, pour un petit débrouillard comme toi de 12 ans, de l'expérience vraiment... Ouais, ouais, je suis un gars qui, comme j'ai dit, c'est hier, parce qu'on était mercredi. C'est hier, ouais. J'aime profiter des offres que les multinationales nous offrent sans s'en rendre compte. Je vais te donner un exemple simple, là. Il y a quelques années, Nesté, vous connaissez Nesté, ouais. Je peux les nommer. On crée une campagne que quand t'achetais une caisse, à l'intérieur, t'avais une caisse gratuite. OK. Mais moi, ce que j'ai fait, le gars, il a acheté la première caisse, ça lui a coûté, mettons, 12$, je pense, une caisse de 12. Mm-hmm. Ben, ça allait dans mon char avec mes ciseaux. J'ai découpé le coupon. Ben oui. J'ai cordé dans mon coffre de char toutes les petites canettes. OK. Je suis rentré avec le coupon de caisse gratuite. Penses-tu que j'ai pris une caisse qui n'avait pas le coupon caisse gratuite? Mais okay. Ben non, j'ai pris avec le coupon, la coupon caisse gratuite. Je suis retourné dans mon char. J'ai découpé le coupon avec mes ciseaux. Oui. J'ai mis. Ah non. J'ai une photo, je pense que j'ai 30 caisses de. Oh my God. On a rempli un garage, là. Wow. On a vidé le maxi du secteur où j'habitais. Mais ils t'ont pas reconnu? Ben oui, mais c'est une facture par client. Ah. À toutes les fois que je sors, je deviens un client différent. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils vont arrêter de faire des offres. Ouais, c'est ça. C'est à cause de toi, Xavier, qu'on n'aurait plus d'offres. Mais ils l'ont offert. S'ils l'ont offert, c'est pour qu'on en profite. Ah, OK. Non, mais... Non, mais... Mais tu sais, genre, quand mon coffre était plein, puis j'avais plus de place pour le stocker, puis j'étais genre, j'avais l'air d'un gars qui... J'ai arrêté. J'ai acheté un autre char. Ouais, c'est ça. Avec l'argent que t'avais sauvé. Puis j'ai bu, tu sais, j'ai bu du thé glacé pour combien de pendant temps? Pendant un an. Ah non, mais genre, j'en donnais, là. Il m'avait coûté deux. Je pense qu'on avait des calculs, ça m'était revenu à genre 0,0015, genre, ça. Par canette. Comme, wow. Puis tu donnes... Oh, attends, là. C'est pas là que le Twix est. OK. Je m'en viens, là. OK. Donc, c'est intervenu avec toutes les canettes. Il y a une consigne là-dessus? Ben oui. Ça fait de l'argent en plus. Hey, j'étais riche, là. Genre, mes amis buvaient une canette et me donnaient 5 cents. T'es parti un REER avec ça. Non, mais écoute, j'ai me suis acheté une maison. Je me suis acheté une maison à 12 ans. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai remboursé, non seulement j'ai remboursé ma caisse en canette, mm-hmm. parce que la caisse m'a coûté 12 $. Mais j'ai bu du thé glacé gratis. Oh my god. Pendant tellement de temps. C'est sûr. Tu prends des mix d'alcool pis tout avec ça. Ah non, mais j'ai tout fait là à 12 ans avec ça. Le moule et alcool, je connais pas tant ça. Mais j'ai, tu sais, on a fait des punch, on a fermé ça en été. Et, man, j'aurais pu la vendre pour 25 cents sur le coin de la rue avec un stand. J'aurais fait plus d'argent. C'est t'sais. Sûr. Mais. Dans des cas secondaires, t'aurais pu vendre ça. Oui. Ouais. Ils vendent des petites doses dans des plates. Non, c'est ça. Donc, je suis un profiteur comme ça et je m'assume pleinement. Ben, c'est correct. Comme l'émission tire presque à sa fin, là, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, là, Mathieu, je sais que toi aussi, tu voulais nous parler de road trip et de voyage. Ouais. Ben, j'en parlais pas bien, autre que pour dire que j'ai fait peut-être, je sais pas, 8h30 de char depuis la dernière semaine, puis je vais en faire encore un autre 3-4 heures tantôt. Mais je ne quitte pas le Québec, donc je ne déclare pas mon voyage. Je suis revenu à ma maison. Hier, je n'ai pas pu vous parler parce que j'étais dans le... Dans un endroit caché. C'est ça, une zone grise de LTE, disons qu'il n'y a pas grand signal là. Où, si vous connaissez... Si c'est la Beauce. Hein? C'est genre la Beauce ou un fond de cave de Charlevoix. En tout cas. On peut pas savoir, apparemment. Il était avec les moines. C'est ça, les moines. Bref, j'ai pas le droit de vous parler de ça, mais par contre, j'ai le droit de vous faire des jeux de mots par rapport à ma situation. Ben oui, donc, certainement. Je vais faire ça vraiment vite. Mon premier jeu de mots aujourd'hui, c'est confessionnal. Hein? Confessionnal. Ouais. Parce que, à l'endroit où je suis allé, on avait un truc en public, c'était dans un sous-sol d'église, je t'épargne les détails. Mais j'ai un peu bloqué la toilette. J'étais le dernier à partir et tellement les gens étaient gentils avec moi puis ils offraient de mettre mon manteau par-dessus mon plan. C'est ça que j'ai pas osé leur dire que j'avais bloqué. Et en plus, il y a quelqu'un qui était entré dans le cubicule à côté, dans la même salle de bain, et qui m'a demandé de lui prêter du papier de toilette. Fait que je me suis dépêché, je suis sorti. Une situation de proximité, là. Ouais, c'est quand ça. Lui, il a un petit peu de jus de toi sur ses pieds parce qu'elle déborde. Non. Mais je pense qu'il y a peut-être dû prendre le blâme ou peut-être qu'il a dû se sentir gêné si quelqu'un lui a demandé s'il y avait bloqué la toilette. Ah, bref, de ma part, donc je dois me confessionner. OK, je comprends. Et ton deuxième? Le deuxième aujourd'hui, c'est faire dessert à part, tout simple comme ça. Quoi? Quand on avait un choix de dessert, faire dessert à part, comme faire chambre à part. OK, ouais. Dans un groupe où tu es le seul à choisir une sorte de gâteau que les autres ne veulent pas, donc tu fais dessert à part, c'est bon. Ah, c'est si bien. Donc, j'ai trouvé mais Mathieu, c'est con. Merci. C'est complètement con. C'est pas censé être intelligent, Xavier. Non, mais comme faire dessert à part. Mais je pense que j'aimerais ça avoir une émission de jeu de mots, une demi-heure, dans le fond, vous pourriez prendre une demi-heure de plage horaire. Toi et Alexandre Ramirez Wiki et Marc-André Fortin. Oui. Oui, faire, ben oui. Puis enchaîner, juste enchaîner des jeux de mots. Comme ah, mon ça. Dieu, hein? Tout le temps les uns les autres. Ah, mon Dieu, ça serait... Ça serait 30 minutes de comme d'un trip d'acide. Ça serait comme faire... faire un trip d'acide. Comme faire un trip d'acide pendant 30 minutes radiophonique. C'est sûr. Est-ce que je te sors juste les derniers que j'avais sortis les derniers jours? Ben oui, vas-y. Circonstances exténuantes, c'était mon plus récent et mon préféré. Oui. À contresensus, oncle incarné, à buffet. À contresensus. Oui, exactement. Ouais. C'était à un consensus, mais t'es à contresensus. Hyperventilation, c'est bon ami. Puis, c'est que toi, tu vois pas ce que je fais en studio. Mais à contre-sensus, j'aurais voulu avoir la situation. Ouais, mais... on aimerait savoir ce qui s'est passé avec les moines tibétains. Ouais, ouais. Parce que c'est pas ça que je t'avais entendu, mettons, la première fois. Mais non, ne pense pas croche, espèce de jeune mineur. Ah! C'est ça, avoir 12 ans, tu sais, c'est à l'esprit tordu. Ouais, à 12 ans, on est encore dans notre phase d'anal, là, fait que... on joue dans notre caca. Il est 9h30, les gars. Je sais que génie en libre outré s'en vient. En libre outré? Je vais vous laisser, donc. Mais merci. Exactement, parce que je vais justement pouvoir te dire ce que tu peux écouter aujourd'hui. Comme tu viens de le dire, à 9h30, c'est Génie en liberté, l'émission d'affaires publiques qui s'en vient. Sam est déjà en studio avec nous. Là, il nous fait rire, en tout cas, de vos jokes. Par la suite, à 11h, tu vas pouvoir écouter Patriote en action. Malheureusement, pas de rediffusion du Mathieu Plante Show cet après-midi, parce que, bon, ça a l'air que Mathieu Plante Show, ça n'existe pas là, quand que Mathieu Plante n'est pas là, là. Il y a plusieurs Mathieu Plante à l'université. On devrait leur demander de me remplacer. Ah. Oh! Ça serait si drôle de trouver le Mathieu Plante. On préfère vraiment, ça. Hey, wow. On fait un appel de trouver Mathieu Plante, comme tous les Mathieu Plante. Exactement. Et il va y avoir la rediffusion de La sortie de secours est à votre gauche à 15h. Donc, si jamais ça t'intéresse, je sais que cette semaine, les gars ont parlé de politique française beaucoup et aussi de ce qui se passait du côté du McLean's. Donc, peut-être que ça t'intéresse. Sinon, à 19h jusqu'à 22h, ça va être l'émission Très Blues Assez Fou avec Denis Bourdin et Steven Hubert. Okay. Hey, Tania, on se retrouve lundi. Hein? Moi, je serai toujours pas là lundi, donc je te laisse continuer jusqu'à nouvel ordre. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Ton retour, es-tu prévu pour la semaine prochaine? Je sais pas. Faut voir. Le rendez-vous chez le médecin est le 3 avril, lundi. Après ça, je vais vous tenir au courant, c'est sûr. Excellent. Mais moi, ça me fait plaisir de remplacer les jeudis. Ça me donne des bonnes raisons de ressources humaines. Oui, c'est ça. Ben, moi, je suis censé être à un cours, là, mais je vais aller au cours de midi au lieu d'aller au cours de... Elle est au cours de 8h du matin, ça me permet de... Ça, faut pas le dire. Non, mais on a le droit de faire ça. OK, c'est juste bon. Que je vais pas... merci, les amis. Merci, bye, bon café, là. Bon café. Bonne semaine, tout le monde, à la semaine prochaine. Bye!